disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, bienvenue sur Démocratie participative, saison numéro 5, épisode 46. Je procède au rappel de notre émission traditionnelle. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'action sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'action sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite également à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, espace de discussion qui vous permet de commenter les articles d'actualité, d'ouvrir des sujets de discussion divers, de poser des questions à des membres, etc. Adresse très simple, eelb.su. Rejoignez aussi le réseau social gab.com qui offre l'immense avantage de ne pas censurer les contenus, hein, ça c'est toujours utile, mais soyez prudents, n'oubliez jamais de vous inscrire sur ce type de réseau avec une adresse email d'emprunt et d'utiliser des pseudonymes que vous n'utilisez pas ailleurs, hein, ça c'est toujours aussi utile à rappeler. Alors avant de remercier nos donateurs de la semaine, je vais présenter les membres qui participent. Alors, sans transition aucune, commence avec Pierrot. Hein. Salut Pierrot, comment vas-tu? Salut Gandalf, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Là, je suis chaud là. Ah bah, formidable. Et aussi avec nous cette semaine, Porovic. Salut Poro, j'espère que tu vas bien. Salut, shalom alaikum à tous. Abdullah, ça va. Abdullah, ça va. Fulbert, salut Fulbert. J'espère aussi que tu as la pêche, la banane. J'aurais peut-être quelques clients pour toi, pour ta cave. Cette semaine, j'ai relevé des noms. Comment vas-tu, Fulbert? Ah, comme d'habitude, Fulbert va bien, merci. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. La voix de la sagesse dans cette émission, Fulbert. Oh, tu es chou, là, tu es gentil. Là. Non, mais c'est corroboré par les commentaires récurrents de nos auditeurs. Est aussi avec nous cette semaine Diabolix, on va parler de ton pays aussi Diabolix et du pays de Fulbert bien sûr, dans la deuxième partie notamment, il se passe de drôles de choses hein, au plat pays. Hein. Ah le plat pays qui n'est plus le mien, quel bonheur de l'avoir fou. Mais où est ton patriotisme, voilà, tu me déçois. Oh, ça fait bien longtemps que le patriotisme belge a été viré dans les chiottes, mon cher ami. Bon, bah écoute. Et enfin, est avec nous cette semaine Alexis, hein, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Il va pouvoir aussi nous tenir informés de ce qui se passe au niveau sanitaire. On va parler de sujets un peu plus durs quand même, hein, puisque là, on parle d'arrestations, d'opposants à la vaccination obligatoire. On va revenir là-dessus, mais c'est chaud, c'est bouillant, donc ça se passe en ce moment. Hein. Alors, en avant Guingamp, en avant les nègres. Alors, avant de commencer l'émission, je vais quand même remercier nos donateurs. Alors, je remercie nos donateurs, tout particulièrement cette semaine, puisque nous avons eu un mécène particulièrement généreux, je peux me permettre de le dire, qui croit dans ce qu'on fait, qui veut nous voir continuer. Ça tombe lors de la semaine durant laquelle le gouvernement français, par la voix de son secrétaire d'État au numérique, a fait savoir qu'il entendait détruire démocratie participative, nous éradiquer définitivement de l'Internet, mais aussi tous les sites qu'il jugerait gênants, dérangeants pour la politique qu'il compte mener. Nous allons y revenir. Donc je tiens à remercier tout particulièrement ce mécène, mais j'attends confirmation pour peut-être être un peu plus précis. Il se reconnaîtra, j'en suis absolument convaincu. Alors, premier don, donc des gens qui nous ont écrit, d'accord. Alors, ça c'est Maxence qui nous dit aussi, voilà, je vous ai fait un virement de 0,04 Monero, alors c'est une petite somme, je débute, hein, c'était un petit test, voilà, avant hier, alors je confirme, je me suis mis en relation avec le département finance, hein, on est du 4e Reich, c'est confirmé, le virement a fonctionné, merci Maxence. Don numéro 2, alors bonjour, j'essaye pour la deuxième fois de vous faire parvenir des Monero, 0,12 cette fois, j'espère qu'ils vous sont parvenus, sinon il y a peut-être un truc qui m'échappe, mais en tout cas mes Monero, oui, ça c'était les petites spécificités techniques. Alors, compte tenu du montant, confirmation est faite, le virement est reçu, ça a été confirmé aussi par email, merci encore du soutien. Donc là, c'est des personnes qui se familiarisent avec Monero, ils ne sont pas encore familiers, donc ils font des petits virements pour savoir si ça fonctionne, et donc ils testent. En tout cas, merci à eux de franchir la petite barrière technologique et de nous soutenir de cette façon. Don numéro 3, c'est Fantôme hein, qui nous a déjà fait des dons par le passé. Cette fois-ci, il nous a fait un don de 2,75 Monero. Donc merci à lui. Alors avec un message, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que je viens d'envoyer 2,75 Monero pour participer à l'effort de guerre pour la libération de notre race. Toutes mes félicitations pour avoir exposé le monstre ennemi juif à la lumière du jour. Si vous avez le temps, j'explique pourquoi l'émission m'a beaucoup aidé. Avant de vous connaître, je pensais que nos malheurs étaient seulement le fruit du hasard ou bien le résultat de nos faiblesses et de notre idéalisme erroné. Une fois le poison juif éliminé de ma tête, ma compréhension du monde est devenue lumineuse. Beaucoup de gens intelligents et de bonne foi sont encore enivrés par le poison juif, et tout comme les ivrognes alcoolisés, ils agissent plus souvent pour le mal que pour le bien, ce qui rend leur grande intelligence inutile. Toute renaissance nationale ou individuelle est à mon avis impossible sans mettre à la base une doctrine arienne accompagnée d'un antidote contre ces mythes. Je ne saurais être plus d'accord, Fantôme. Merci pour ton soutien, puisque par le passé, il a déjà fait. Donc, un mécène de démocratie participative. Alors, don numéro 4. Alors, je n'ai pas le montant, mais clarification est en cours. Mais c'est un message aussi que je vais lire. Alors, Goy, voici ta prime de Noël. Fais-en bon usage, pardonnez-moi. Tu le sauras que trop bien lorsqu'elle arrivera. En effet. Je tiens à te féliciter pour la synthèse que tu as réalisée à propos des élections américaines, du vrai travail de journalisme qu'on ne peut plus retrouver chez les larves putrides et arrogantes que les juifs entretiennent. Petite suggestion de ma part, je suis comme beaucoup tombé dans le piège des juifs de synthèse bas de gamme du genre Alexandre Delval, par dégoût des islamo-gnoules et autres cafards, presque au point d'éprouver une sympathie pour le juif décomplexé qui désinfecte au phosphore blanc ces jardins infestés de nuisibles palestiniens. Mais je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi le blanc à la vue du crouille et de l'éternègre n'avait d'autre obsession que d'organiser son propre martyre et la souillure de sa sœur. Ma grande révélation découla du visionnage de vidéos très pédagogiques sur les aberrations à propos des chambres à gaz. Passant en revue tous les arguments de bon sens, comme le temps nécessaire à réduire un cadavre en cendres mis en perspective avec les moyens matériels et nombre de choatisés présumés dans les camps, les masses de terre qui auraient dû être déplacées pour incinérer tout le reste, tous les restes humains, etc. etc. Bref, tout ça, il l'a passé en revue. C'est là où la pierre angulaire de la Shoah fait basculer le cœur du goy de la culpabilité à la haine d'avoir lui et ses ancêtres été roulés dans la semoule sémitique. Plus aucun remords, juste l'envie de leur faire déguster pour de vrai le sport qu'ils ont tant fantasmé depuis Nuremberg. Retour à l'envoyeur. toute cette tirade pour te dire, Goy, qu'une section introduction au révisionnisme, sous la supervision de Vincent Renoir, peut-être ferait sauter bien des chaînes mentales installées par le juif. Et c'est signé Hutzpapa. Alors écoutez, cher Hutzpapa, merci d'abord de votre soutien, sincèrement. C'est grâce à vous qu'on peut continuer, et c'est peu de le dire. Il y a une section, révisionnisme historique, mais elle n'est pas animée par Vincent Renoir, qui doit d'abord joindre les deux bouts. Je ne m'interdis rien, c'est vrai que Vincent est très très occupé, donc je me vois mal le déranger en le sachant si débordé pour animer carrément une section sur un forum. Mais enfin, peut-être pourra-t-il intervenir ou répondre peut-être une fois de temps en temps sur le forum, répondre à des questions qu'on pourrait peut-être répercuter dans l'émission. Enfin, tout est imaginable, créer une espèce de lien avec les auditeurs, les participants du forum. Pourquoi pas, l'idée est lancée, pourquoi pas, vraiment. En tout cas, merci beaucoup, Hutzpapa. Le message est passé, entendu haut et clair. Alors, chers amis, je vous propose de commencer l'émission, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Alors, on commence dans le sanitaire. Je ne peux pas en dire plus sur l'identité de notre correspondant, mais c'est un message, j'insiste sur ce point, de bon sens qui mérite qu'on s'y attarde. Je ne peux pas en dire plus, malheureusement. Bonjour. Les critères sur lesquels se base la Haute Autorité de Santé pour cibler les candidats prioritaires au vaccin se sont précisés. Dans sa quatrième phase, la campagne de vaccination englobe dans le facteur risque d'exposition l'environnement de travail qui favorise une infection, c'est-à-dire tout environnement où, je cite, premièrement, les règles de distanciation sociale ne peuvent être appliquées, BTP par exemple. Deuxièmement, le contact avec le public est inévitable, commerce notamment. Troisièmement, le travail se fait dans un milieu clos, comme le sont considérés les bureaux du tertiaire. Ainsi, presque aucune profession n'est épargnée. Autre chose, officiellement le vaccin n'est toujours pas obligatoire. Cependant, le traçage des vaccinations, identité du patient, date d'inoculation, type, marque du vaccin et numéro de lot, donc ça c'est pour préciser ce qu'est le traçage, et leur couplage avec la détection des cas de contact, c'est-à-dire via l'application smartphone, dont le caractère obligatoire est toujours en pourparlers, ne cache que difficilement la réelle volonté du gouvernement d'occupation. C'est soit ça, soit la population française, les vieux en EHPAD au premier chef, concernés par la première vague de vaccination, sert de cobaye. Autre élément important. La température de stockage du vaccin à base d'ARN messager de chez Pfizer est de moins 80 degrés. Mais il peut être stocké à moins 5 degrés s'il est utilisé sous 5 jours. C'est le seul vaccin qui impose ces conditions logistiques draconiennes. Les autres vaccins, à base de virus inactifs ou à vecteur viral, peuvent être stockés de la même manière qu'auparavant. Or, le processus de vaccination ne sera absolument pas conventionnel. En effet, le patient devra se déplacer dans un des centres de vaccination dédiés, les seuls qui seront équipés de frigos pouvant descendre à moins 80 degrés. L'immense effort devant être fait pour obtenir les infrastructures nécessaires trahit la préférence du gouvernement d'occupation pour le vaccin de chez Pfizer, le seul actuellement à base d'ARN messager. Pire encore, quel que soit le type de vaccin, seul le personnel de ces centres de vaccination triés sur le volet sera habilité à vous l'inoculer. Bien que parmi les trois types de vaccins, deux à virus désactivé ou à vecteur viral, pourrait suivre un mode d'administration classique, et le troisième, un mode accéléré, votre médecin de campagne ou vos infirmières à domicile ne pourront que vous orienter vers un centre de vaccination. L'aveu du tyran est sans équivoque. Il ne fait confiance ni aux patients, ni aux médecins généralistes dont il craint la proximité avec leur patientèle. C'est signé le reptile qui ajoute d'autres éléments circonstanciés à son message, mais c'est relatif à son anonymat. Il y tient, et je le comprends, je le conçois. Donc, voilà, c'est un message qui est important. Vous comprenez, hein, vous avez compris dans les grandes lignes, mais en gros, hein, votre médecin généraliste n'est a priori pas censé vous l'inoculer. La chaîne logistique nécessaire est extrêmement complexe, extrêmement coûteuse, donc ils tiennent apparemment à faire tourner ce laboratoire Pfizer plus que les autres. Et ce sont des équipes tout à fait spéciales qui vont se charger de ça, en plus du fait que c'est une technologie tout à fait particulière. Alors, je précise que, bien sûr, je ne suis pas versé dans les questions de santé, donc je me tiens sur la réserve, hein, je ne vais pas donner de cours ici d'épidémiologie, de vaccinologie, ce n'est pas ma partie, mais enfin, je vous transmets ce message. Est-ce que nos participants, qui sont aussi peut-être de futurs cobayes, malheureusement, ont quelque chose à me dire là-dessus? Est-ce que vous avez envie de réagir, oui, puisque ça se précise? Bah, je ne suis pas étonné du tout que ça passe par des labos spécialisés, hein. C'est évident qu'ils ne font pas confiance aux médecins, et que donc ils ont co-circuité les généralistes. C'était vraiment à prévoir, et c'est pas du tout une surprise. Ouais, en fait, ils vont réorienter, en fait, hein. C'est ça qu'ils vont faire. Ouais, petite mise à jour sur le mode de stockage du vaccin mentionné par l'auditeur, le vaccin de Pfizer. Pour le coup, ils ont mis à jour les méthodes de stockage, notamment pour ce qui concerne la température, mais pas du tout pour des raisons sanitaires. C'est typiquement pour des raisons commerciales. Parce que pour acheminer le vaccin et puis pour le stocker sans qu'il y ait de risque qu'il soit altéré, et pour aussi pouvoir le vendre, parce que bien sûr tout ça nécessite une infrastructure importante, ils ont modifié les conditions, mais ça pourrait être un motif finalement de soulagement, et moi je vois ça comme un motif d'inquiétude supplémentaire, parce que vous doutez bien que si jamais ils ont procédé à une telle... un tel processus de stockage dans des conditions si particulières et qu'ils le changent comme ça du jour au lendemain, on se dit, mais est-ce qu'ils l'ont testé? Est-ce que c'est sécurisé quand même? Donc tout ça m'inquiète un peu. Et c'est aussi le même vaccin d'ailleurs, je pense qu'Alexis aura peut-être des choses à dire après mon intervention, mais c'est aussi le même vaccin dont on a parlé beaucoup cette semaine, notamment sur le site, notamment ce qui concerne, on va dire, les effets secondaires des gens qui ont oui, on va dire, la gueule déformée, hein. Si vous allez sur le site et que vous voyez un peu les images, bien sûr, c'est une émission radio, donc j'ai du mal à décrire, mais on va dire que entre la mort et avoir le visage de travers comme ça, il n'y a pas beaucoup de différence. Moi, je ne sais pas si je pourrais choisir la mort, mais en tout cas, disons que c'est des gens qui sont abîmés à vie. Et ce qui est curieux, c'est qu'en fait, pour les vaccins, ce genre de cas arrive de temps en temps, d'accord, c'est plutôt exceptionnel. Mais on est plutôt sur du 1 sur 5000. Alors, si on considère le taux de létalité, en tout cas en France, pour les populations en tout cas qui me concernent, donc moi, je ne suis pas une population à risque, parce que je ne suis pas vieux, je ne suis pas obèse, je ne suis pas diabétique. Donc, entre me faire inoculer un vaccin où j'ai une chance sur 5000 d'avoir la gueule de travers à vie et peut-être d'y passer, et juste me confronter avec un virus avec un taux de létalité de 0,05%, disons que j'ai fait mon choix. Pour l'instant, c'est un choix, parce que c'est pas obligatoire. T'as fait ton choix. Peut-être que, voilà. Non, mais comment dire alors, je tiens à corriger simplement par souci de précision. En fait, c'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas à vie, hein, officiellement. Les autorités sanitaires américaines, ont fait une étude. Ont indiqué que, dans un cas, avec une incidence d'un pour 5000, vous avez une paralysie faciale partielle, voire totale, avec un effet d'affaissement, en fait. Hein. Vous avez la langue qui pend, enfin bon. Alors, ils disent, ça c'est ce qu'ils disent, hein, ils disent que, voilà, généralement, au bout de quelques semaines, ça se rétablit. Bon, je ne sais pas si c'est très rassurant, mais bref, on vous fait une piqûre, vous avez la gueule qui commence à tomber, bon, bref. Mais il est à peu près évident que certaines gueules ne se redresseront pas, à mon avis, ou en tout cas, peut-être au bout de quelques mois, etc. Et ça, ce n'est qu'un effet visible, spectaculaire d'ailleurs, de ce vaccin. Mais effectivement, c'est ce que tu dis là, le fait qu'une personne sur 5000 aux États-Unis montre après vaccination un affaissement du visage, ça c'est une communication officielle des autorités sanitaires américaines. C'est pas des professeurs qui en marge évoquent des trucs. Ça c'est le gouvernement américain qui l'a publié, ça n'est pas du tout contesté. Ben, je disais qu'il s'agissait en fait de la paralysie de Bell, B-E-2-L. Oui. Et j'ai vu aussi une publicité apparaître avec le vaccin Pfizer, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est la gueule de travers avec Pfizer. Avec qui? Avec Pfizer. Oui, d'accord, ah ouais, d'accord. Pfizer. Pfizer, ouais, le vaccin Pfizer. Ouais, mais alors, ça ne rime pas avec la gueule de travers, voyons. Ouais, c'est vrai. Qui d'autre? Ces vaccins vont avoir un succès fou. Alors, vous voyez, dans ce qu'il nous dit, alors, il dit qu'il y a plusieurs phases dans la vaccination. On commence par les personnes les plus vulnérables, nous dit-on, mais en fait, ça tend à devenir des expériences sur des cobayes, en réalité. Donc, on va commencer par les EHPAD, etc. On va se dire, voilà, bon, de toute façon, s'il meurt, on dira qu'il meurt du Covid, et puis c'est tout. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va leur faire des vaccins. Il y a des anciens qui, sans ce vaccin, continuera à vivre et qui vont décéder. Ça, c'est garanti. Donc, ils commencent par ça. Ils vont mesurer les effets. Puis ensuite, graduellement, en fonction des professions, ils vont étendre. Et puis au final, ça sera tout le monde, quatrième vaccination. Ils vous disent que ce n'est pas obligatoire. OK, ça, c'est pour ne pas faire peur aux gens. Mais quand on vous présente les futures interdictions sociales pour ceux qui ne se vaccinent pas, bah, grosso modo, c'est la mort sociale et professionnelle. Alors que vous ne pouvez plus voyager, vous ne pouvez plus prendre l'avion, bientôt vous ne pourrez plus prendre le bus, vous ne pourrez pas travailler, bref, c'est fini, quoi. Parce que si vos collègues ils se vaccinent, d'accord, si l'entreprise, votre entreprise où vous travaillez reçoit la consigne, voilà, vos employés doivent se vacciner, parce qu'il y a une obligation face à la loi, parce que c'est ça, c'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui meurt dans l'entreprise du Covid, la famille sera susceptible de porter plainte contre l'entreprise si elle n'a pas respecté les normes de distanciation sociale, etc. Je suppose que ce sera la même chose pour la vaccination. Donc en fait, c'est l'arme nucléaire, donc vous n'avez pas besoin du tout de passer ça dans la loi, vous n'avez pas besoin de dire ouais, c'est obligatoire de se vacciner, c'est pas grave, parce que l'entreprise où vous travaillez, de toute façon, aura tellement peur d'être traîné en justice par d'éventuelles personnes qui décéderaient du Covid, que vous n'aurez pas le choix, il faudra le faire ou alors être licencié, quoi. Je sais pas quoi. Moi, je sais pas si les gens ont une âme de cobaye, mais grosso modo, c'est ce qui se passe maintenant. Vous avez le choix entre le licenciement et devenir un cobaye. Je sais pas ce que les gens en pensent. Il n'y a pas d'étude d'opinion là-dessus, mais bon. Oui, c'est un cauchemar dont on aimerait se réveiller, c'est sûr. En fait, il y a plusieurs choses, évidemment, parce que bon, certains disent c'est un vaccin, bon, qui protège, bon. Alors, c'est que, d'un certain point de vue, un vaccin, puisqu'il y a une nouvelle technique, donc, d'ARN messager qui est employée, donc, c'est, professeur Perron, par exemple, qui est assez proche de Raoult, qui a appliqué son protocole, semble-t-il aussi avec succès, qui critique beaucoup le gouvernement, qui avait fait le livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commis ?» J'aurais plutôt dit d'ailleurs « Y a-t-il un crime qu'ils n'ont pas commis ?» Enfin, peu importe. Perron a dit « Il ne s'agit pas d'un vaccin, il s'agit d'une thérapie génique, puisqu'on va toucher à l'ADN des gens. » Donc, moi, je m'intéresse à la vaccination et je pense qu'il y a eu beaucoup de mensonges vis-à-vis des bienfaits ou prétendus bienfaits de la vaccination, mais je n'ai même pas envie de parler de ça prioritairement. C'est-à-dire que là, chaque vaccin ou chaque substance, en tout cas, va être inoculé aux personnes âgées, fragiles ou pas. C'est-à-dire qu'une personne de 85 ans qui est très faible va avoir la même substance, la même dose que quelqu'un qui en a 25 et qui fait du sport et qui est en bonne santé. Ça défie toute logique. C'est ça qui est le plus critiquable. C'est-à-dire que on file la même chose à tout le monde avec la même force, avec la même puissance. Donc, il n'est pas étonnant que là, il faut s'attendre à une hécatombe et je crains qu'on soit face à un des grands crimes de l'humanité, tout simplement. Je vais m'avancer sur des prévisions, je sais pas, mais je n'imagine pas, parce que il y a un truc qui est indiscutable, c'est que la méthode, ils le disent, voilà, c'est une méthode révolutionnaire. ou du moins dans l'application actuelle. Et donc c'est quelque chose qui n'a pas du tout été testé dans la durée, on ne connaît pas les retombées, et donc là on joue vraiment, enfin plus exactement, les autorités, le gouvernement joue à la loterie avec la vie des gens. Ça, c'est ce qui se passe actuellement. D'accord ? Donc, ils disent qu'ils vont inoculer dans les veines des gens, sous contrainte, puisque vous avez vu, il y a des contraintes sociales considérables, quelque chose dont on ne sait pas sur la longue durée ce que ça peut produire. Il est évident que des gens vont mourir. Peut-être même d'ailleurs plus que de gens qui sont morts du Covid. Je veux dire, je ne vais pas m'avancer, mais je ne vais pas faire de présage, mais enfin bon, on est quand même en droit de s'interroger, et je suis d'accord avec toi que là, il y a... Enfin, pour moi, il y a mise en danger de la vie d'autrui. C'est indubitable. Pour moi, ce gouvernement met sciemment en danger les gens. Pour un agenda qui n'a rien à voir avec la question sanitaire, d'ailleurs, mais ça démontre que ces gens sont prêts à tuer des comment dirais-je, des Français, des Français, des Allemands, enfin bon, tous les gouvernements occidentaux sont d'accord, hein. sans même broncher, quoi. Et on est dans l'inconnu, ce qui est sûr à ce stade, c'est qu'on est dans l'inconnu. Ça fait à peu près consensus, on est dans l'inconnu, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, quoi. Alors, peut-être que je vais poser la question à vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Compte tenu des contraintes là, qui sont annoncées avec les conséquences sociales, professionnelles, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, peut-être que vous pouvez les éviter d'ailleurs, mais je vais peut-être faire un petit tour de table là-dessus. Comment comptez-vous réagir face à ça ? Moi, perso, je vais faire des maths, quoi. Donc là, pour l'instant, 0,2... Pour l'instant, hein, d'accord. 0,2% d'avoir la chance d'avoir la gueule de travers, ou alors un taux de létalité de 0,05%, donc déjà, ça tourne un peu dans mon cerveau. Effectivement, on est encore libre, d'accord, on est encore libre. Vous savez, ça avance toujours comme ça, hein. C'est d'abord, on parle de vaccin, après on en parle beaucoup plus, restriction de liberté, si vous ne faites pas, vous n'aurez pas accès à ça, puis à la fin, peut-être que ce sera même obligatoire. Les politiques avancent toujours comme ça, hein. Si vous vous souvenez, par exemple, d'un autre sujet de société qui est le mariage homosexuel, ça avançait exactement de la même manière, hein. C'est à chaque fois, c'est, on décompte, le divorce, l'avortement, le Pax, et puis... mariage homo, la GPA, la PMA, et puis demain ils vont voter qu'on a le droit d'enculer un âne, quoi, si on veut. Donc c'est toujours comme ça que ça avance. Donc pour l'instant, personnellement, vu que je suis libre, bah je vais rester sur mes gardes et je ne vais pas le faire. D'autant plus que Pfizer a déjà, ils ont un passif, hein. Ils ont déjà fait des cobayes humains. C'était au Nigeria, ils ont déjà testé des médicaments et ils ont tué un certain nombre d'enfants. C'est pas, vous trouvez ça sur la fiche Wikipédia, hein, de l'entreprise, hein, c'est pas un truc de conspi. Hein. Puis ils en ont aussi rendu des centaines de milliers malades, donc ils ont déjà un passif assez lourd. C'est pas spécialement d'ailleurs pour cibler Pfizer, hein, je veux dire, Big Pharma, vous prenez à peu près n'importe quelle boîte de grande envergure, que ce soit Sanofi ou Gilead ou même Roche, par exemple, pour une entreprise française. Ils ont tous quand même des grosses casseroles au cul. Donc c'est pas encourageant, quoi. Voilà. C'est pas encourageant. C'est des entreprises qui recherchent avant tout le profit, bien sûr. Leur objectif, c'est pas que vous soyez en bonne santé, parce que si vous êtes en bonne santé, ben, ils n'ont plus rien à vous vendre. Donc chaque entreprise a une stratégie. La stratégie de Big Pharma, c'est de vous vendre des médocs, d'accord ? Que vous soyez sain ou malade, vous devez consommer des médicaments. C'est ça le truc. D'ailleurs, Gilead, puisqu'on parlait de Gilead à l'instant, ils ont réussi à rouler l'Union européenne dans la farine, puisque l'Union européenne a acheté pour 1 milliard, vous savez, pour lutter contre le Covid, ils ont acheté pour 1 milliard d'euros de Remdesivir, qui est un médicament dont on sait maintenant qu'il ne sert strictement à rien. L'Union européenne avait déjà reçu des rapports disant que c'était complètement inutile, voire dangereux. L'OMS avait... labelliser ce médicament comme déconseillé, même l'OMS, mais bon, ils ont quand même acheté pour 1 milliard. Ça n'est pas encourageant, donc voilà. À titre personnel, je vais user de ma liberté tant que je le peux. Fulbert, tu veux faire Oui. Bah, moi, en tant que doyen de l'Assemblée ici, Je n'ai absolument aucune confiance, en plus de ce qu'a décrit Pierrot, je n'ai aucune confiance. De plus, avec mon âge, je devrais être, comment dirais-je, pas prioritaire, hein, c'est pas ça, mais je devrais me précipiter plus vite que les autres. Ben non, j'ai absolument pas confiance. Ça tient plus à un manque de confiance dans mon gouvernement, dans l'État, dans la politique générale du pays, mais aussi des pays européens. Non, rien à faire, je ne me ferai jamais vacciner. Je ne me fais déjà pas vacciner sur conseil de mon propre généraliste pour la grippe saisonnière. Alors, je ne vais certainement pas y aller pour le coronavirus, quoi. Diabolix, je suis sûr que tu vas te précipiter chez ton médecin pour demander à te faire piquer. À me faire piquer, tu veux dire? Mais c'est te faire piquer, non? Non, t'es pas... Alors, première réflexion, je ne suis mais véritablement pas adepte de la série des Rocky 1, 2, 3, 4, 25, 200, j'en passe et des meilleurs. Donc, avoir la gueule de travers, ça ne m'arrange pas véritablement. Tant que ce n'est pas obligatoire, wait and see, voyons, laissons-les venir. Si ça se révèle être obligatoire, je me précipite, mais là j'ai déjà un peu prévu le coup, mais je me précipite à l'ambassade de la Fédération de Russie, où je demande à me faire vacciner avec un vaccin russe, mais pas une saloperie européenne, parce que les Russes et les Chinois ont encore une certaine éthique et une certaine conscience, ce que les laboratoires européens et américains n'ont plus depuis longtemps. Bon, au moins le message est clair. Comment dire, Alexis, oh, toi tu vas te faire piquer, toi. Je sais que tu vas te faire piquer. Toi. Oui, c'est en parfaite cohérence. Double dose pour Alexis. C'est en parfaite cohérence avec ce que je raconte. Oui, je pense qu'il faut préserver la santé avant tout, parce que si vous n'avez pas la santé et que ce vaccin ou prétendu vaccin endommage profondément votre santé, votre carrière professionnelle et autres, vous pouvez vous asseoir dessus. Hein, d'autant que en Europe de l'Ouest, là, les perspectives sont très très noires. La santé avant tout et la prudence avant tout. Donc moi, j'éviterai, voilà. Mais puis on va vous sortir quelques arguments, évidemment, de type la vaccination éradique les maladies. Alors j'ai préparé 2-3 contre-arguments, si vous permettez que j'en sorte 2-3. Vas-y. Par exemple. La tuberculose, il y a eu la tuberculose qui tue aujourd'hui, en tout cas dans les années 2010 encore, d'après l'OMS, vous voyez en 2015, 1 500 000 personnes meurent de la tuberculose. Pourtant, depuis un siècle environ, est sur le marché un vaccin, notamment en France, on appelle ça le BCG. Pourquoi est-ce qu'on appelle BCG? Parce que c'est le bacille de Camille. De Calmette, Albert Calmette et de Guérin qui avaient élaboré ce vaccin dans les années 1910. Donc c'est pas, et cette vaccination en France était obligatoire depuis 1950 jusqu'en 2007. Donc pendant, malgré toutes les introductions de ces vaccins de par le monde, qui soi-disant marchent, il y a toujours 1,5 million de gens qui meurent de la tuberculose. Bon, ça n'a pas éradiqué par conséquent. Bon. Autre argument, certaines maladies, comme le dit Raoul, d'ailleurs j'aime bien son humilité sur ce point, il dit on ne sait pas pourquoi par exemple la peste a disparu. C'est pas à cause d'un vaccin, puisqu'il n'y a jamais eu de vaccin contre la peste. Bon, autre argument. Troisième argument, je dirais la variole, parce que la variole, il y a eu un vaccin qui a été fait contre la variole au début du 19e siècle, suite au travail de Jenner, qui est Edward Jenner, qui est considéré comme le père de la vaccination avant Louis Pasteur. Et donc, des pays comme l'Angleterre ont généralisé la vaccination, elle est devenue systématique en 1853, par exemple. Et quasiment le monde entier a été vacciné à un moment donné, ou a été tenté de se vacciner contre la variole. Par exemple, aux Philippines, des gens ont été vaccinés, tous ont été vaccinés au moins une fois jusqu'à 6 fois. Et après toutes ces années de vaccination, a sévi la pire épidémie de variole. Même chose sur le continent européen. En 1870, sévit la pire épidémie de variole, tuant jusqu'à 125 000 personnes en Allemagne. épidémie qui partait d'Angleterre, où donc la vaccination était systématique depuis près de 20 ans. En Angleterre, beaucoup de morts aussi. Donc en Allemagne, où la vaccination était généralisée contre la variole, 125 000 morts. Donc non seulement ça ne protège pas, vous me direz, la vaccination, ça a évolué depuis. Ça a peut-être évolué depuis, mais il n'empêche que des pays ont reculé en disant non, la vaccination, ça marche pas du tout. Il y a plein de gens qui crèvent et puis ils développent d'autres symptômes aussi, d'autres maladies. Comme là, on parlait de la maladie de la paralysie faciale. Donc, on arrête. Donc, l'Angleterre, pas encore revenu là-dessus, comme d'autres pays. Donc voilà, méfiez-vous de ces arguments un petit peu simplistes qu'on nous balance. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis même, bon, la dite grippe espagnole, il y aurait aussi certainement beaucoup de choses à dire, mais j'ai même pas envie de trop développer, d'être trop long, parce que finalement, comme on disait, le vaccin de Pfizer, c'est encore plus dangereux qu'un vaccin traditionnel, puisque c'est une technique qu'on n'a jamais élaborée avant sur l'homme. Voilà. Poro, est-ce que tu te sens l'envie de te piquer ? Absolument pas. Je n'ai absolument aucune confiance en ces gens. Comme le dit Alexis, c'est une méthode, c'est de la thérapie génique. C'est très nouveau pour un vaccin et j'ai vraiment pas envie de faire partie des bêta-testeurs. Je pense que si on peut échapper, il faut vraiment se poser les questions. Alors, est-ce qu'il paraît, il y aurait peut-être que les gens qui ont des allergies seraient épargnés. Alors, essayer de voir si on peut pas y échapper comme ça. Pourquoi pas faire un voyage dans un pays de l'Est, comme la Fédération de la Russie, comme le disait Erwin, c'est une option. Il faut vraiment envisager toutes les options possibles pour y échapper, parce que je pense qu'il y a un risque très, très grave. En tout cas, à ce stade, on peut dire qu'il y a une énorme inconnue. Alors, je sais pas si les gens ont envie de se foutre un truc inconnu dans les veines. Mais une inconnue, et puis surtout, venant de gens... Oui. Est-ce que vous leur faites confiance à ces gens-là ? Personnellement, non. Absolument pas. Je leur demande. C'est les mêmes gens qui nous font toutes les crasses depuis des années, des décennies. Donc, je tiens. Ce qui m'inquiète, moi, c'est que le président Donald Trump est encore président des États-Unis. J'espère que ça va durer quand même, malgré tout. Mais il semble très zélé sur le fait de généraliser la vaccination dès ce lundi 14 décembre. Je suis désolé de te couper, mais c'est une des faiblesses de... président Trump. Alors, je sais que bon, ici, on était favorable de toute façon à sa réélection, bien sûr, parce que l'alternative est tellement atroce que voilà. Mais je crois que Trump n'a pas, et c'est pas de sa faute. Je veux dire, c'est pas de son fait. C'est simplement qu'il n'a pas la puissance de frappe médiatique, la puissance d'entraînement à sa disposition pour carrément refuser catégoriquement ce type de truc. Je pense quand même qu'il entendait la rendre en fait facultative en fait, et il voulait de toute façon cet appareil sanitaire, il lui échappe totalement, hein. Je veux dire, c'est géré par c'est Bill Gates, c'est Microsoft, c'est Fauci bien sûr, c'est la bureaucratie, enfin ça lui échappe totalement. Donc de toute façon, même s'ils disaient non à 100%, les types continueraient à déployer le truc et il y aurait une demande, parce qu'on a fait tellement peur aux gens et Trump ne contrôle pas les médias que de toute façon les gens ils vont se précipiter, les gens qui ont la trouille vont se précipiter dessus. Mais je pense que ce qu'ils voulaient faire, c'était ne pas prendre le blâme, c'est-à-dire en disant non mais c'est bidon et tout, en disant voilà, vaccinez-vous machin, mais en s'assurant que ça soit facultatif. Je crois que c'est ça la stratégie, ce qui n'est pas une mauvaise stratégie, mais malheureusement... un des effets négatifs de cette stratégie, ça consiste à corroborer le discours officiel, hélas, sur la nécessité de la vaccination. Mais je comprends sa position, je comprends sa situation, je comprends qu'il ait dit ça, quoi. Ça ne me surprend pas compte tenu du rapport de force. Mais en fait, il y a une telle puissance d'entraînement. Enfin, il faut voir quand même ce qu'on affronte. On a la totalité de Big Pharma, la totalité des médias, on a tous les gouvernements occidentaux, au bout d'un moment, ces gens-là, ils obtiennent des résultats, quoi. C'est un fait. Hein. Au départ, il avait mis des doutes un peu sur la pandémie, mais il s'est très vite rétracté. Comme tu dis, il y a tous les médias en face, quoi. 99% des médias en face qui font une propagande de bourrin, lui, en pleine période électorale... je pense que même s'il a des infos, il n'ira pas. Il n'ira pas, il peut pas. Et puis alors, maintenant qu'il a validé le truc, ça sera difficile de revenir en arrière. Ouais. J'aime bien l'équipe du professeur Didier Raoult. Alors, sur sa personne, on peut avoir un débat. Mais en tout cas, sur son équipe, même sur ses interventions télévisées, maintenant, il commence très souvent à énoncer finalement les intérêts, les conflits d'intérêts qu'ont les différents intervenants ou que n'ont pas les différents intervenants avant de s'exprimer sur tel ou tel sujet. Et donc, la puissance de frappe d'une entreprise de Big Pharma comme Gilead, là-dessus écrit, il faut voir le nombre de spécialistes qui se sont précipités sur tous les plateaux télé, qui avaient des conflits d'intérêts énormes avec Gilead, par exemple, et qui ont essayé de nous vendre pendant des mois, des semaines, le remdesivir, dont tout le monde savait qu'il ne marchait pas, et qu'en plus qu'il était même dangereux. Et ces gens-là ont vraiment une puissance de frappe médiatique. Et je trouve ça très sain, finalement, de dire, voilà, moi, avant de commencer mon intervention, je suis médecin ou je sais pas quoi, eh ben sachez que mon entreprise, elle est payée à 50% par tel labo, etc. Je trouve que c'est une démarche plutôt honnête. Voilà. Ouais, c'est bien. Il y a Philippot qui s'est clashé avec Blachier, là, rappelez-vous, récemment, la semaine dernière. Ouais, alors Blachier, par exemple, lui, c'est le mec qui nous a vendu, pour le coup, le remdesivir. Donc le remdesivir, c'est la boîte Gilead, quasiment depuis le début du premier confinement. Il n'arrêtait pas de nous rabâcher cette histoire de remdesivir. Ce mec-là, il possède une boîte, d'accord ? Donc lui, il ne touche pas du pognon directement par Gilead. Par contre, sa boîte est financée 75% par Gilead. Et on parle de sommes absolument, absolument énormes. On parle de centaines de milliers d'euros, quoi. C'est pas rien, voilà. Et c'est des gens comme ça qui sont systématiquement invités sur les plateaux télé pour faire leur propagande, qui fonctionne pour le coup. Ouais. Je précise que dans les pays de l'Est, le remdesivir, en principe, le remdesivir est offert, puisque grosso modo sponsorisé par l'Union européenne, mais pas un laboratoire, pas un toubib, pas un hôpital ne prescrit ce médicament aux patients qui sont atteints de Covid, ce qui est déjà très révélateur. Mais bien entendu, vis-à-vis des apparatchiks du remdesivir en France, l'intégralité des médecins du reste du monde et des spécialistes du reste du monde sont des cons pathologiques, c'est bien connu. Eux seuls ont la sagesse, la foi et la grandeur d'âme de croire en cette merveille de technologie médicale. Alors, on va avoir l'occasion de reparler hein, de ce qui se passe au plan sanitaire, mais je vous propose de passer à la rubrique suivante, rubrique numéro 2, autisme radical. Alors là, on change totalement d'univers, puisqu'on va parler un peu de football. Bon, pas football au sens strict, hein, mais autour du football, suite à un clash très violent médiatiquement, hein, pas violent sur le terrain, qui a eu lieu donc lors de la rencontre entre Istanbul et le Paris Saint-Germain. Allez, alors je cite cet article qui nous provient de BBC Afrique. Donc, je n'invente rien. Hein. Alors, Pierre Webo reçoit le soutien de Dembaba et de Mbappé après un incident raciste. Alors, on va revenir hein, sur tout ce qui s'est passé. Donc un match de football à la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Başak Şehir a été suspendu mardi soir après qu'un arbitre a été accusé d'avoir prononcé des propos racistes à l'encontre d'un entraîneur. Les joueurs d'Istanbul affirment que le quatrième arbitre, Sébastien Koltescu, qui se tenait sur le côté du terrain, à côté des bancs de l'équipe, a tenu des propos offensants envers leur entraîneur adjoint Pierre Webo. L'ancien joueur camerounais a reçu un carton rouge après l'altercation et les joueurs d'Istanbul sont sortis du terrain en signe de protestation suivi par les joueurs du PSG. L'incident s'est produit 14 minutes après le début du match du groupe H de la Ligue des Champions. Il a entraîné la suspension du match en première mi-temps après que des joueurs du Paris Saint-Germain et d'Istanbul Başak Şehir ont refusé de continuer à jouer et sont sortis du terrain. Donc, le footballeur sénégalais évoluant à Istanbul, Başak Şehir, et ancien sociétaire de Chelsea, Dembaba, qui était remplaçant, a demandé à l'arbitre « Pourquoi, quand vous parlez d'un noir, vous avez dit ce noir. Alors en fait, c'est ce roumain, l'arbitre roumain, quatrième arbitre, a dit negru. Je parle pas roumain, donc pardonnez-moi l'accent, mais... Non, non, il a dit negre. Negre, ils ont écrit negru. Peut-être que ça s'écrit negro et que ça se prononce negré, hein, je ne sais pas. En tout cas, dans la presse, ils auraient perdu quelque chose, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, l'arbitre roumain a simplement dit le mot noir pour désigner un noir en roumain, donc negré, negro, bon, je m'avance pas trop, mais disons qu'il a simplement utilisé le mot qui est en usage en roumain. Et alors, pour le coup, moi j'utilise le mot qui est en usage en français, hein, en bon français, donc le nègre, hein, s'est emporté. Webo, il s'est même effondré psychologiquement puisqu'on a utilisé le mot noir donc en roumain. Alors vous allez me dire, il y a peut-être un malentendu, il a peut-être cru comprendre qu'on le traitait de négro, c'est possible. Enfin bon, le pataquès a eu lieu, mais normalement ça aurait dû être dissipé très très vite, on est d'accord. C'est-à-dire que oui, mais il est roumain, en roumain on dit ça, etc. Bon, au bout de 10 minutes de discussion, ça aurait dû être complètement dissipé. Voilà, bon. Et pas du tout, on a assisté à des jours et des jours de montée artificielle de la mayonnaise par les grands médias, et vous savez que le match a été rejoué le lendemain, et on a vu tous les gugus du Paris Saint-Germain en faire des caisses et des caisses et des caisses. Le Neymar, le Mbappé, le machin, alors là on pose le genou, on se joue, alors, bon, moi j'ai des choses à dire là-dessus, mais voilà. Et donc, ils ont essayé de créer artificiellement un incident raciste sur la base d'un quatrième arbitre qui a dit « Eh, le noir là, qu'est-ce qu'il fait là ?» Parce qu'il est en train de s'exciter sur le bord du terrain. « Qu'est-ce qu'il fait là? Faut le sortir. » Bon. Mais je veux dire, c'est du délire. Alors, ensuite, on a scruté sur les réseaux sociaux ce qu'ont raconté les protagonistes. Hein, et on a trouvé des nègres qui étaient offusqués, qui disaient par exemple sur leurs réseaux sociaux le blanc ceci, c'est-à-dire le blanc est raciste, le blanc est haineux, etc. Enfin, il n'y avait pas de finesse, hein, pas de subtilité, pas de distanciation, pas de critique. Non, c'était voilà, ils y allaient franchement. Hein. Par contre, le noir, ça pose problème. Alors bon, c'est pas l'affaire du siècle, mais enfin, je voulais quand même votre réaction sur pas l'incident en lui-même. Mais la manipulation médiatique qui a suivi cet incident, ce non-incident d'ailleurs. Mais la plus belle réaction vient du peuple roumain. En fait, je vois ici sur Internet, parce que c'est en train de faire rigoler l'intégralité de la planète, en tout cas ça fait bien rigoler la Roumanie, en ce moment, dans les supermarchés, les Roumains, quand ils voient les olives noires, donc, olive noire, ça s'écrit masline nègre, donc masline pour olive et nègre pour noir. Et en fait, ils barrent le nègre et ils rajoutent en dessous alb unkis, donc blanc éteint. Ah, explique-moi la blague, je ne la comprends pas. Ben, c'est pas difficile. Plutôt que d'avoir olive noire, eh bien, on met simplement olive blanche éteinte, ou blanche sombre, si tu préfères. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ok. Sincèrement, je trouve ce peuple absolument extraordinaire, parce qu'il est doté d'un sens de l'humour absolument génial, et ce truc prend des proportions incroyables, notamment dans toutes les grandes surfaces, où les gens, dès qu'ils voient olive noire, ils barrent le noir et ils rajoutent blanc éteint. Non mais c'est quand même ahurissant, parce que il se passe rien, ok? Je veux dire, en français, on dit le noir là, tu dis le noir là parce que tu le connais pas, tu connais pas son blat, tu sais pas d'où il est. Imaginez-vous, vous êtes un arbitre international, vous entendez, vous dites le type là, le noir là, qu'est-ce qu'il fout là lui? Bon, et alors? Bon, il y a pas de, mais on est toutes ces stars là, toutes ces stars du football qui sont des millionnaires, je vais pas dire des milliardaires, mais enfin des multimillionnaires. D'abord, démontrent que le nègre est d'une fragilité absolue. On parle, vous savez, dans le discours ambiant, on parle de fragilité blanche. Hein, on nous rabâche les oreilles avec ce truc. Putain, les Blancs, avec tout ce qu'on se prend d'insultes, de crachats à la gueule, avec des populations qu'on n'a jamais invitées chez nous, qu'on est en train d'engraisser à l'année, hein, d'engraisser à l'année, à rien foutre si ce n'est proliférer comme des rats, avec tout ce qui nous servent sans broncher, les types disent que nous, nous sommes fragiles. Ok. Les types, tu leur dis noir, ils s'effondrent. Ils commencent à avoir des spasmes, comme des femmes au bord de l'accouchement, sur le terrain, hein, devant les caméras du monde entier. Et les types, là, c'est un scandale, ils arrêtent tout, le monde s'arrête, hein, le monde s'arrête, le type a dit noir. Niveau virilité, excusez-moi, là, c'est une blague. Donc, moi, je pense que les joueurs de foot sont des danseuses, hein, je vous le dis tout de suite, moi, je pense que ce sont des danseuses, surpayées à un niveau qui devient même indécent. Et toute la clique, là, enfin, c'est là qu'on voit malheureusement qu'on manque de poigne, parce que moi, toute la bande, je vous la fais coffrer, je vous la fous dans un camp de travail, à marner pendant 25 ans à casser des cailloux, là, je leur apprends un petit peu l'humilité et à se tenir un peu à leur place, parce que toutes ces starlettes, là, parce que c'est des starlettes, hein, ces starlettes surpayées à taper dans un ballon et à se prendre pour le centre du monde, là, c'est-à-dire à cracher dans la soupe comme ils font, ça mérite des putains de coups de latte dans la nuque. Des véritables coups de latte. Hein. On est beaucoup trop coulant avec ces gens-là. Et comme les types, ils sentent qu'ils peuvent y aller avec toute la dramatisation, la starification avec George Floyd, etc. Les mecs, ils foncent. Alors les types, ils ont des comptes en banque comme t'y crois pas, comme t'auras jamais. Comme t'auras jamais. Ils fréquentent les grandes stars, etc. Les mecs veulent en plus le bonus moral de la victimisation. Donc ils veulent passer pour des victimes. Passer pour des victimes. Et donc, voilà, le mec m'a dit noir, je suis opprimé. Non, mais je sais pas si vous imaginez. Et les mecs essayent de se faire passer pour des durs à cuire. Avec leurs tatouages, leurs boucles d'oreilles, leurs cheveux décolorés. Bon, mais non, mais je veux dire... Goulag. Goulag pour tout le monde. Goulag pour tout le monde. Allez, pour une fois, je serai communiste. Il est vraiment temps de changer de refrain. C'est plus possible. Voilà, moi, je vous le dis comme je le pense. Mais c'est un montage médiatique scandaleux, scandaleux, de toutes pièces, sans aucun fondement, uniquement motivé par la haine de l'homme blanc sans lesquels tous ces nègres qui tapent dans une balle n'existeraient pas, ils seraient tous dans leur bled là, à foutre leur sœur sur le trottoir pour essayer de se taper un sandwich une fois tous les mois, vous voyez, parce que c'est ça la réalité de ces types. Ils n'ont pas la gratitude d'un chevillé au corps. Moi, je vous dis que ces gens-là, ils ont besoin d'une cure d'humilité. Sévère. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des fans de football, mais... Mais je crois que c'est même encore plus grave que ce que tu exposes. Parce que j'ai eu l'occasion de voir, il y a deux, trois semaines, quelque chose comme ça, un match international entre l'équipe de mon pays, l'équipe nationale belge, et je ne suis plus très certain de l'autre nationalité. C'est la deuxième fois que j'observais cela, où l'on voit, comme pour le cas du match PSG, le club turc, les joueurs s'agenouillent, mettent un genou en terre. C'est-à-dire, rappelez-vous, c'est un hommage à la mort de George Floyd, l'acteur porno, etc. Et ce que j'ai vu de particulier dans la dernière fois que j'invoque, le dernier match, j'ai vu les joueurs donc mettre un genou en terre, les deux équipes. J'ai vu, à ce moment-là, il y avait une différence. C'est-à-dire que dans l'équipe belge, il y a quelques noirs et quelques mulâtres. J'ai vu donc, je résume, les joueurs mettre un genou en terre. Et les noirs et les mulâtres ont levé le bras en serrant le poing. Ouais. Ce qui est une référence au mouvement Black Lives Matter, dont ces joueurs ne devraient rien avoir à foutre. Ça, c'est un. Mais en plus, je rappelle quand même que le bras levé, oui, exactement, le bras levé, ça avait déjà été employé par le mouvement des Black Panthers dans les années 60 lors des Jeux Olympiques de je ne sais plus où. Mais ce n'est pas tout. Le bras levé, point fermé, c'est un signe de ralliement communiste depuis l'aube du communisme. Et donc, J'ai vu des joueurs d'autres équipes, d'autres matchs, mettre le genou en terre. Ce qui veut dire que le monde du football, à mon sens, a été pris en main. Lénine disait que la religion était l'opium du peuple. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont manipulé tout cela, c'est le sport et plus précisément le football en Europe qui est devenu l'opium du peuple. Ah, tu as totalement raison. Oui, tu as totalement raison. Je te rejoins totalement. Le sport est vrai. Enfin, le sport spectacle est l'opium du peuple aujourd'hui, pas du tout la religion. Ah oui. Mais particulièrement le football, il faut bien se rendre compte que tu verras jamais ce genre de saloperie avec des équipes de rugby. À ce stade, mais quand tu, en fait, c'est tout ça est indexé sur la composition raciale des équipes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets des nègres, les nègres, le bamboula ne se sent plus pété, il veut se donner en spectacle, il voit que les cons de blancs applaudissent, il remet une pièce, il dit putain, je leur crache à la gueule, ils me remercient, ils m'applaudissent, je gagne encore plus de pognon. Donc le mec remet un tour et voilà. Mais moi, le football, je suis désolé, le football aujourd'hui, en tout cas dans les grands championnats occidentaux, je ne dis pas tous à égalité, parce que le championnat espagnol ne souffre pas de ce même genre de phénomène, mais on assiste quand même à une négrification totale de ces trucs, et une espèce de déification de ces nègres parce qu'ils tapent dans une balle. Moi, je suis désolé, il faut avoir un peu de respect pour soi-même. Non, c'est un sport. Alors, bon, à pratiquer entre amis, d'accord, avec des clubs qu'on apprécie parce qu'il y a encore, je veux dire, une certaine propreté raciale, une hygiène raciale qui est respectée dans ces clubs, pourquoi pas, mais des championnats à nègres comme le championnat de France, c'est pas possible. Et puis il y a de toute façon une déification, je veux dire. Voilà, vous êtes là, vous rassemblez avec des gens pour regarder des nègres taper dans une balle. Mais posez-vous une question sur vous-même, quoi. Je veux dire, moi, je ne fais pas ça. Je n'allume pas ma télé, voilà, pour regarder des nègres taper dans une balle. J'ai autre chose à foutre de mes journées, j'ai autre chose à foutre de mon temps libre, hein, quand j'en ai. Donc non, il y a des alternatives au plan sportif. On ne peut pas dire que l'offre sportive souffre, hein, de nos jours. Donc je veux dire que les gens aiment le sport, le truc. D'accord, mais c'est trop. Le football aujourd'hui est devenu une arme à déifier le nègre. Moi, c'est stop. Voilà. Alors le PSG, j'en parle même pas. Surtout quand on sait quel est son... Alors, pas la totalité de son public, mais... quand même, son public naturel tend à devenir de plus en plus régionalement un ramassis de bougnoules et de cafres, quoi. Donc, voilà, parce que l'Île-de-France, ça devient quand même grosso modo ça, quoi. Donc, bon. Alexis, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur tout ça? Je sais pas si tu corrobores ou au contraire t'opposes vigoureusement. Non, je m'oppose pas vigoureusement. Il y a le foot en tant que sport historique, qui d'ailleurs, quoi qu'on en dise, qui est encore dominé par les Blancs, en tout cas parmi les plus grands joueurs qui restent, puisque les joueurs d'Afrique et tout ça, alors ils deviennent pros souvent, donc comme tu l'as dit, ils se sentent plus pissés et tout ça. Mais souvent, il y a dans beaucoup de cas, on place beaucoup, beaucoup de promesses. Ah, t'es un tel joueur, il est vraiment super fort, il vient de Guinée, de trucs, de Cameroun, il va vraiment être le tout meilleur. Et en fait, ils se caractérisent souvent par une grande irrégularité. Hein. Pas non plus les déifier totalement. Après, oui, c'est vrai qu'entre le sport des années 70 avec les duels Cruyff-Beckenbauer et puis ce qu'il y a aujourd'hui sur les terrains, c'est sûr que ça donne de moins en moins envie de regarder. Et puis il y a d'autres sports. Donc moi, personnellement, je dois avouer que c'est un sport qui m'intéresse de moins en moins. Oui, puis comme tu l'as dit, il n'y a pas de reconnaissance, parce qu'on a beau dire, les joueurs sur le terrain, par exemple l'équipe de France ou d'A-France de 2018 qui est championne du monde, où il y a deux tiers ou la moitié au moins de joueurs d'Afrique et tout ça. Oui, mais qui les a formés? Qui ont été leurs entraîneurs, leurs formateurs? Qui leur a appris ce sport? Qui les a appris à jouer en équipe? Bon, bah, c'est tous des entraîneurs blancs. Voilà. Et on va pas attendre une quelconque reconnaissance de leur part. Ils le disent jamais. Et puis quand ils touchent leur pognon, un certain Dembélé là, qui jouait à Barcelone, je crois, à ce moment-là, bah, il avait sa prime de championnat de champion du monde, alors qu'il avait été sur le banc de touche pendant toute la compétition. Il l'avait utilisé pour créer des mosquées en Mauritanie, son pays de ses parents. Bon. Donc voilà la gratitude, ou la gratitude quand Khabib Nurmagomedov, le champion de MMA, avait dit que Macron était une ordure, ce qui m'a fait, à propos des histoires de Charlie Hebdo et tout ça, et de décapitation, et du fait de montrer les caricatures ou les dessins, en tout cas, ouais, qui offensent sa religion. Hebdo, ouais, il avait défendu de façon très vigoureuse sa religion. Bon, c'était dans son point de vue, mais ça a été liké par des joueurs comme Kipembe, donc des joueurs français, hein, n'est-ce pas? Mais évidemment. Et des gars qui vont alors liker Khabib en même temps dire que c'est trop raciste de dire noir. Ouais, voilà, il y avait eu un cas un peu similaire il y a une douzaine d'années. L'entraîneur de l'équipe d'Espagne avait dit à je ne sais plus quel joueur d'ailleurs exactement, peut-être David Villa, que allez, tiens, tu peux me montrer que tu es meilleur que le noir. Mais il a noir en espagnol, c'est negro, je crois. Donc il avait dit qu'il faut être meilleur que le noir. Le noir, c'était Thierry Henry, je crois. Mais ça avait fait un petit peu de buzz, mais là c'était un peu plus raciste parce que il n'avait pas désigné parce qu'il n'était pas présent physiquement, comment dire, à ce moment-là, quoi. Donc Thierry Henry, mais bon. Mais là, par contre, désigner juste du doigt en disant tiens, le noir qui est là, il peut faire ceci, cela, mais c'était un truc, voilà, s'il n'y a même pas de matière, enfin, tu as tout dit, hein, sans commentaire. Juste un truc quand même, c'est le fait que toutes ces starlettes là, très très sensibles, hein, là, donc les gros durs, machin, tu leur dis noir, ils s'écroulent. Les mecs comme Mbappé là, lui c'est un hybride, hein, un négro mort, c'est un mélange d'Algérien et de nègre. Alors évidemment, hein, intouchable en France puisque bon, toute l'équipe de France repose dessus, donc pratiquement l'État français repose sur ce mec là, ce stade en France. Et comment dirais-je, Toto, alors Toto, hein, évidemment, Toto, très volubile, hein, la lutte contre le racisme, etc. Il est opprimé, Mbappé, il est opprimé, hein, le pauvre gars, c'est dur. Par contre, très silencieux sur tous les attentats qu'il y a eu en France. Curieux, hein. Très silencieux, très, très pudique finalement. Donc il y a des moments où ça parle, ça cause, ça fait du bruit. Puis il y a des moments où ça ferme sa gueule. Hein. Ça sait mettre du silence. C'est très étonnant, très très étonnant ces mecs-là. Et vous sentez en fait que l'État français qui a plus aucune espèce de poigne d'aucune façon ne sait même pas cadrer ces sales nègres qui rétribuent d'ailleurs grassement en plus de leur donner une validation à l'échelle nationale et internationale. Bon, bah voilà. Alors, je voulais quand même terminer sur une note spéciale Uyghur, hein, nègre blanc, à Griezmann, hein, Griezmann quand même, sur un registre qui est vraiment voisin. Hein. Donc, Griezmann, alors lui c'est le bonnet. Hein, c'est le gars, vous voyez, il est content, il sait pas pourquoi, mais il est content, il est tout le temps content. Il est comme disait mon père, si t'es con, tant mieux. Et alors lui, c'est son dernier exploit. Il a communiqué sur Instagram, il a dit « Je refuse désormais d'être en partenariat avec Huawei, vous savez, le fournisseur de téléphonie, hein, chinois. » Motif, persécution des Ouïghours. Alors, ou des Yaourts, ou bien des Ouïghurs. Il a peut-être compris les persécutions des Ouïghurs. Je suis visé, je sais pas. Mais donc, il a dit, voilà, j'arrête parce que les Chinois maltraitent une espèce de tribu musulmane aux confins de la Chine, dont on ignore tout, vous voyez. Mais on n'est même pas capable, les Français sont même pas foutus de les situer sur une carte. Les Algériens de France, les derniers, hein, je veux dire, personne ne sait où ça se trouve. Mais c'est devenu, je veux dire, un cas existentiel. Depuis quand? Bah depuis qu'Erdogan, en Turquie, a décrété que c'était un cas existentiel. Et Griezmann, cette espèce de... Mais vraiment, mais de benet, mais il est aussi intelligent que ses chaussures. Ses chaussures sont peut-être plus intelligentes que lui. Intelligentes que lui. A décidé donc de boycotter, voilà. Pourquoi? Bah pour envoyer un signal à son public de bougnoules de banlieue. Enfin, je veux dire, faut pas avoir dignité dans un pays comme la France, qui est régulièrement attaqué par des musulmans militants qui exécutent des Français dans la rue à coups de couteau, qui leur coupent la tête. Enfin, je veux dire, ça se passe tous les mois, si c'est pas tous les jours ou toutes les semaines. Je veux dire, faut pas avoir de dignité pour s'abaisser à ce point à vouloir lécher le cul des bougnoules comme le fait Griezmann et oser présenter cet acte de soumission comme un acte d'insoumission. Non, Griezmann, t'as une seule excuse, c'est d'être con comme tes pieds. Voilà, voilà. C'est vrai, ça peut t'épargner certains désagréments. Mais franchement, de voir ces... Mais les mecs sont payés des sommes folles. Et ils s'achètent comme ça des suppléments d'âme pour leur public de bico, leur public de nègre, hein, en essayant de les caresser dans le sens du poil. Hein, ouais, les gars, moi j'ai du courage. Non, t'as pas du courage, Griezmann. T'as pas du courage et t'as bien de la chance qu'il n'y ait pas un état pour tenir bien comme il faut en laisse. T'as bien de la chance. T'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Il y aurait un état en France, crois-moi bien, mon coco, que ça se passerait différemment. Mais t'as de la chance. Donc ça se passe bien. Tu peux chanter la sérénade à tes bougnoules. T'as de la chance. D'ailleurs, sur les encouragements de la CIA, d'ailleurs, faut pas se tromper non plus des donneurs d'ordre. Hein, parce que tout ce qui est lié à cette histoire de bougnoules là, en Chine, c'est ou Erdogan, avec les progressistes notoires que sont les frères musulmans, ou le département d'État américain et la CIA. Bon, voilà, faites votre choix. Quelqu'un, peut-être là-dessus, là, sur Griezmann Enfin, je dis ça, j'avais juste envie de lui cracher à la gueule à ce sale con, mais quelqu'un d'autre? Peut-être, peut-être pas. Ah, c'est la preuve qu'on peut être intelligent avec une balle dans les pieds, mais complètement con. On connaissait déjà Franck Ribéry, qui est quand même un très bon joueur, qui joue encore, mais il peut être bon sur un terrain et en même temps très con, parce que les Oïghours, bon, on sait rien exactement de ce qui se passe, puisqu'il y a une opacité totale. Il y a des choses qui se disent sur des camps de travail et tout ça, mais bon, quelle est la réalité de tout ça? Personne ne le sait. Puis il y a attends, si les Chinois ont réussi à mettre des bougnoules au travail, moi je les félicite. Je veux dire, j'ai pas leur jeté la pierre. Hein, faut arrêter quoi. Ouais, non, mais bon, parce qu'ils disaient que c'était de l'esclavage et tout ça, mais l'esclavage, alors ça fait le lien avec ce qu'on avait dit avant sur le Paris Saint-Germain et tout ça. Bah, le Paris Saint-Germain est financé par le Qatar. Et le Qatar pratique de façon très officielle l'esclavage. Donc, de toute façon, il faudrait, dans ce cas-là, boycotter le Paris Saint-Germain, chose que ces types ne font pas, quoi, bien sûr. Ouais, c'est ça le truc. C'est-à-dire, c'est quand tu vois des teubés comme ces mecs, parce que c'est tous des teubés, hein. Soit qu'ils viennent de banlieue, c'est-à-dire c'est des nègres stupides, voilà. Soit c'est des Kevin, tu vois, parce que c'est des Kevin, mais c'est des soumis. Parce que dans le milieu du foot, les racailles de banlieue dans les centres de formation, elles imposent leur loi. Donc quand t'as un petit blanc qui perce, de toute façon, il est complètement bougnoulisé mentalement, il a repris tous les codes, il est complètement soumis, c'est la lavette du secteur, le type il fait avec. Et s'il veut essayer de pas être totalement le paillasson de tout le monde, il est obligé de devenir musulman et de parler comme un bougnoul. D'accord, typiquement le caribéry que t'as cité. Donc, si t'es un petit blanc, que tu veux réussir dans le football et survivre, tu deviens Ribéry. Excuse-moi, moi je préfère encore faire la plonge. Hein. Et à un moment donné, c'est une question de dignité. Quand je vois des Griezmann faire ce numéro de cirque, il était déjà là. Il y avait, rappelez-vous d'Omar Sy. Il n'y avait pas Omar Sy. Là, vous allez me dire, quel rapport, on parlait de football, quel rapport avec Omar Sy? Parce que toutes ces grandes causes, entre guillemets, sont toujours manipulées. Et il y avait l'affaire, en Birmanie, des Rohingyas qu'on avait un peu souqués là-bas. Donc encore des bougnoules insupportables qui, à force de faire chier tout le monde, se sont pris un coup de pompe dans le cul. Tiens. On a vu Omar Sy en faire des caisses, une grande... Et on avait vu des footballeurs se coaguler dans l'affaire. Encore une fois, dont des blancs. Et à un moment donné, il faut quand même cogiter. Il faut se dire, attendez, c'est quoi la manipulation là? Pourquoi tout d'un coup on devient la roue de secours de tous les cas perdus de la Ouma là? Qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se fait qu'on est recruté systématiquement? Pourquoi on nous demande de valider? Pourquoi tout d'un coup sur mon smartphone, sur mon compte Instagram, mon compte Facebook, pourquoi on me fout ça devant les yeux? Où on veut en venir quoi? Je suis censé devenir un... un supporter du FC Allah, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, et les médias français sont à fond pour ça, donc vous savez dans quel sens penche la balance, quoi. Voilà, pour ça, moi, quand je vois ce genre de truc, moi, j'ai envie de faire marcher la machine à claque. Hein. Je suis un peu remonté parce que moi, je suis... Bon, autant les bougnoules font les bougnoules, d'accord, donc Mbappé et compagnie font leur numéro de diva, bon... Ça plaît à leur public. Mais alors, moi, les blancs qui essayent d'en faire des caisses, je peux pas. Je deviens mauvais. Enfin bon. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus, enfin, sur le... Oui, est-ce qu'on les entend sur, pour faire le lien encore avec un autre sujet qu'on a abordé, est-ce qu'ils vont dénoncer le vaccin obligatoire comme étant dangereux? Alors, j'ai entendu un sportif de grand renom qui l'a fait, qui a dit que ça ne devait pas être obligatoire, et qui l'a dit déjà depuis longtemps, c'est Djokovic, le champion de tennis numéro un mondial, qui avait dit non, il ne faut absolument pas faire ça, c'est une atteinte à la liberté individuelle. Bon, là, ce genre de cause, là, on ne va pas entendre les Mbappé, etc., sur ce sujet. Hein, je les attends toujours. C'est du faux courage. Enfin, quand Mbappé s'excite là comme un machin pour le nez, non, là il est sincère avec son truc, quoi. Mais le des gens comme Griezmann, c'est de la mise en scène, c'est présenter ça comme une espèce d'acte de rébellion et tout. Non, c'est de la validation auprès de son public de bougnoules de banlieue, ou voire de blancs bougnoulisés. Hein, mais c'est pour ça que je considère le football comme extrêmement toxique. Compte tenu des instances internationales qui les gèrent, enfin, qui gèrent les championnats, qui en gèrent la communication, de la même façon les médias, les messages qui sont imposés, non au racisme, etc. Je veux dire, attends. Voilà, donc c'est toxique, à fuir absolument, voilà. Qu'on aime jouer au foot avec des copains, c'est une chose. Mais de s'infliger ce genre de séance de lavage de cerveau collectif, moi je peux pas. Enfin, c'est pas Griezmann qui va m'expliquer comment comprendre le monde, quoi, d'accord? Ok, que tape dans ta baballe, connard, laisse-moi tranquille, je sais comprendre le monde tout seul. Voilà, j'ai pas besoin de ton avis. Voilà, j'ai pas besoin de ton avis pour me dire que Kader est un mec cool. C'est pas un mec cool, c'est un sale con qui essaye de me taxer une clope quand je le croise dans la rue. Donc va chier, Griezmann, d'accord? Et que ta famille aille chier avec toi. Voilà. Ouais, un petit rappel aussi sur les. Quand l'équipe de France, championne du monde en 2018, a été présentée là sur les Champs-Élysées, à chaque fois qu'il y avait un joueur noir qui apparaissait, il était applaudi massivement, vu la faune qu'il y avait sur place. Et quand c'était un joueur blanc, comme Giroud, etc., il y en a eu quand même dans l'équipe, hein, bah Griezmann justement, le gardien de but, Lloris, les arrières latéraux, Pavard et Hernandez, quoi. Ils ont été sifflés tout simplement. Donc les prétendues discussions autour du racisme de l'arbitre roumain, du racisme structurel contre les noirs dans le foot, c'est du foutage de gueule, mais alors là, une puissance des mille, quoi. Ouais. Rubrique numéro 3, chers amis, vivre ensemble, hein, plus que jamais d'actualité, on a tous envie de vivre ensemble, hein, tous envie de vivre avec des nègres. Alors, Mila exclut de son lycée militaire la lettre aux lâches de son père, c'est cité par Le Point. Donc, on a parlé souvent de Mila dans l'émission, parce que c'est une saga, hein, pratiquement. En tout cas, c'est en plusieurs épisodes, donc il y a des rebondissements. Et ça, c'est le dernier, et j'ai trouvé que c'est quand même révélateur. C'est un moment, c'est une fille qui permet de révéler les choses, les rapports de force, etc. Donc ça, c'est intéressant de suivre, quand même. Alors, voici cette lettre que je vais vous lire, qui est signée de la main de son père. Depuis des mois, je dois me taire, je dois courber les chines pour protéger ma famille et permettre à Mila de rester à l'école. En janvier dernier, Mila, qui en avait assez de se faire insulter au nom d'Allah, a répliqué. Depuis, une partie de la population s'est acharnée sur elle, une autre partie a fait comme depuis 30 ans, elle a appliqué le « oui, mais ». Un certain nombre de républicains, heureusement, nous soutiennent au quotidien, car sans eux, nous serions au fond du trou. Notre fille, pourtant victime, a été de fait conduite à quitter son lycée, alors même qu'elle n'a fait qu'exercer son droit de critique d'une religion, comme a pu le constater le procureur de Vienne quelques jours après la vidéo du 18 janvier. Ainsi, c'est la victime qui était condamnée. Monsieur Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Madame Schiappa, alors secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, et bien d'autres ont essayé de nous aider à trouver une solution pour rescolariser Mila. En début d'année, une partie de l'éducation nationale a mis l'affaire Mila sous le tapis. Aucun élève de son ancien établissement, dont certains avaient pourtant été identifiés suite à des menaces, n'a jamais été sanctionné. Nous avions été contactés par d'anciens parents d'élèves qui avaient dû, eux aussi, retirer leurs enfants de ce lycée pour des raisons similaires. Comme beaucoup d'établissements en France, le lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, où Mila était scolarisée, a occulté les problèmes pour ne pas faire de vagues. L'internat militaire dans lequel Mila a finalement été accueillie, bon gré mal gré, lui a imposé depuis le début une ligne de conduite impossible à tenir. L'ancien colonel en responsabilité nous avait expliqué que la présence de Mila sur le site représentait un risque pour les autres élèves. Sachant que sa présence ne resterait pas longtemps secrète, il souhaitait que Mila ne communique plus sur les réseaux sociaux. Pour reprendre l'expression d'une ancienne ministre, Laurence Rossignol, c'est comme si on demandait à quelqu'un qui s'est fait agresser dans la rue de ne plus jamais sortir. Les réseaux sociaux sont pour les jeunes d'aujourd'hui ce que le téléphone était pour nous il y a 30 ans, et même bien plus. Depuis le début, à chaque publication de Mila sur les réseaux, même insignifiante, nous avions le plaisir d'être appelés par le colonel pour nous faire la morale, et le capitaine responsable de l'internat a dit à plusieurs reprises à Mila que ses parents étaient irresponsables de la laisser encore communiquer sur les réseaux sociaux. Les responsables savaient tous que beaucoup d'élèves avaient communiqué sur la présence de Mila au sein de cet établissement, mais malgré tout, notre fille a fait l'objet d'une pression incroyable et elle s'est petit à petit crispée, au point que sa vie dans cet établissement est devenue une contrainte. Pour des raisons de santé, opération bénigne, Mila a dû rester à son domicile quelques semaines et ses réseaux sociaux ont continué à être surveillés par son école. 10 jours après un live et 4 jours après son retour au lycée, le colonel a demandé à nous rencontrer en présence de membres de la direction du lycée et du professeur principal pour parler sécurité. Il nous a annoncé que Mila avait prononcé le nom de l'établissement dans un live, une vingtaine de personnes assistaient à ce live. En réalité, un élève de son internat était présent dans le live et Mila lui a demandé s'il était toujours dans ce lycée. Comprenant sa gaffe, elle a rapidement changé de sujet. Mais le prétexte était tout trouvé pour évincer Mila au motif qu'elle mettait en danger tout l'établissement. Le colonel a reconnu que Mila n'avait pas fait cela intentionnellement, mais il a maintenu qu'elle devait rester à la maison en suivant sa scolarité à distance. Voilà comment on s'est débarrassé de Mila au premier prétexte trouvé. Voilà qu'une victime de menaces de mort se voit exclue de son lycée en France en 2020 pour avoir commis le crime de mentionner son nom dans une conversation privée épiée par des militaires qui ne veulent plus assumer le risque de l'accueillir et de la protéger. Ce constat est pour nous un film d'horreur. Si l'armée ne peut pas protéger Mila et lui permettre de poursuivre sa scolarité, que pourrions-nous faire, nous, ses parents, pour la protéger ? J'ai signifié au colonel que l'hypocrisie s'arrêtait là et que je ne souhaitais plus discuter, qu'ils avaient trouvé une raison pour se donner bonne conscience, que je leur souhaitais de bien dormir. Je suppose que la pression des parents d'élèves, de certaines personnes du corps enseignant, a été trop forte, mais je suis effondré par autant de démissions et de lâcheté. Après l'éducation nationale, c'est maintenant l'armée qui renonce à scolariser une gamine de 17 ans. Trop dangereux, trop de contraintes. Ce ne sont pas nos concitoyens qui sont dénués de courage, mais encore une fois, comme depuis trop longtemps, les institutions, armées comprises. Alors à quoi bon continuer à se battre si on en est arrivé à ce point de renoncement ? J'ai beaucoup de respect pour les militaires en opération, mais au bal des planqués, rien n'est plus important pour certains apparemment que de retrouver leur tranquillité. Depuis l'assassinat du professeur Samuel Paty, une partie de la classe politique se réveille, beaucoup d'autres souhaitent remettre la poussière sous le tapis pour ne pas éclabousser leur certitude et leur bien-pensance. Quoi qu'elle fasse, Mila sera en danger. Elle passe des mois à publier des choses futiles sur les réseaux sociaux, à parler de maquillage et de chansons. Et en permanence, des milliers de personnes qui ne vivent que dans la haine la menacent, l'insultent. Et quand, après quelques mois, sans réaction de sa part, elle s'autorise une riposte, les hypocrites disent qu'elle rallume le feu. Et on nous explique que cette jeune fille, qui n'a strictement rien fait d'illégal, devrait se taire à jamais, même pour parler de maquillage ou pour chanter. Mais de quel droit et au nom de quoi ? Faut-il aussi qu'elle s'interdise de sortir de chez elle ? ce qui est à peu près le cas, sinon elle serait en faute. Faut-il qu'elle change de pays pour que tout le monde ait bonne conscience? Nous n'en avons pas la possibilité, sinon nous l'envisagerions. Pour elle, en tout cas, la scolarité, c'est fini. On ne la traitera plus comme une bête de foire dont on ne cherche qu'à se débarrasser. Mila est partie vers de nouveaux horizons pour sa protection, mais elle sera continuellement en danger et elle ne se soumettra jamais, contrairement à vous, colonel et à tant d'autres. Alors, messieurs, j'ai tenu à lire cette lettre. Vous savez que sur l'affaire Mila, je suis extrêmement réservé, notamment à l'égard de ceux qui manipulent cette jeune fille pour leur propre compte. Je parle bien évidemment des Juifs. Ceci étant dit, le cas personnel de cette jeune fille est difficile, délicat dans une France totalement islamisée, bougnoulisée, par la volonté même des Juifs. On ne le rappellera jamais assez depuis 50 ans. Mais là, nous allons parler de quelque chose d'un peu différent. Nous allons parler de l'attitude de l'armée, du gouvernement, des institutions. Qu'est-ce que vous voulez me dire suite à cette lettre qui nous en dit un petit peu plus, finalement, sur la solution de recours qui avait été trouvée et l'attitude, finalement, de l'armée, car elle est impliquée au premier chef dans cette affaire, ce qui ne veut pas dire que tous les militaires sont bien évidemment concernés. On imagine difficilement, je ne sais pas, un soldat des forces spéciales se sentant directement responsable du sort de ces jeunes filles, mais enfin, l'armée comme institution, comme corps, est impliquée. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus? Il est très clair que dans la situation actuelle, c'est on ne peut plus révélateur de la situation de la France ou de la Belgique, faut pas se leurrer, ou même de l'Allemagne, ou particulièrement de la Suède. C'est-à-dire que nous sommes dans des États qui ont tellement laissé pourrir le système jusqu'à la moelle que plus personne ne prendra le moindre risque pour un de ces nationaux. Plus personne. Si demain, on a un deuxième Camilla ou un troisième, où est-ce que ces gens vont pouvoir aller suivre leurs études? Sûrement pas dans l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, c'est devenu un truc qui est complètement phagocyté par les bougnoules. Ces gens ont leur réseau d'information. La majeure partie des jeunes sur Internet passent leur temps à faire la chasse à des nanas comme Mila. Donc, trouver les adresses est quelque chose de relativement simple. Il n'y a plus aucune protection de vie privée. Et il est très clair que, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau, la défense nationale, qui est quand même le sommet d'une protection possible, ne daigne même plus assumer ce genre de choses. Alors, au prétexte que ça va être un risque pour les professeurs, on ne va jamais dire que ce sera un risque pour Mila, non, non. On va dire c'est un risque pour le corps enseignant, c'est un risque pour les autres étudiants, on craint un attentat dans le village d'à côté. Enfin bon, toutes les excuses les plus pourraves vont être faites, alors que je tiens quand même à vous rappeler un truc. Le préfet de police de Paris a depuis des années sa protection policière et personne ne se permettrait de dire que c'est trop cher ou que c'est pas efficace. Les ministres ont devant leur domicile des flics en uniforme pour monter la garde devant la porte. Et là, ces gars-là seront tout à fait d'accord de mourir pour la grandeur de la France, la patrie, le drapeau, j'en passe et des meilleurs. Mais alors, sincèrement, se prendre une bastose pour une nana qui a eu le malheur de remettre les bougnoules à sa place, faut arrêter de rêver. Ça marche plus en France. On peut vivre en Europe de l'Ouest, mais faut respecter la charia. Parce que apparemment, la charia est en vigueur, donc il faut respecter la charia. Sinon, vous avez les disciples du califat qui s'excitent. Voilà. Donc, Mila, je ne sais pas où est-ce que tu vas t'installer maintenant, où est-ce que tu vas suivre ta scolarité. Mais sache en tout cas, en France, partout où tu ailles, tu auras des bougnoules. Même, tu as vu dans un lycée militaire, mais je ne sais pas s'il y a trop de bougnoules, en tout cas, tu trouveras au moins toujours des gens qui auront suivi le mouvement, quoi, qui seront soumis aux bougnoules. Comme l'armée, l'armée un peu maintenant, encore une fois, moi je ne parle pas non plus des militaires, je suis même un ancien militaire, d'accord? En tout cas, mais l'institution militaire en tant que telle et la hiérarchie militaire a choisi son camp, pour le coup, c'est le cas de le dire, notamment parce qu'elle veut absolument recruter et qu'elle recrute à mort dans des milieux islamo-africains, ce que vous voulez, enfin tout ce qui n'est pas français, puisqu'elle adhère bien sûr au mythe irresponsable de la République, hein, la République qui est quand même scandée tous les lundis matin pendant le chant des couleurs, on chante la Marseillaise, hein, et qui stipule que donc Mamadou, hein, Mamadou, il peut être français, il peut être républicain, et il a peut-être une tête de nègre, il pue comme un nègre, mais miraculeusement, si on lui met un képi sous la tronche, eh ben il devient français. Voilà. Ça, c'est la doctrine maintenant de l'armée, qui, pour des raisons, je dirais, idéologiques et même pragmatiques, a opéré une campagne de recrutement directement dans ce sens-là. Vous vous doutez bien, alors je dis pas que tous les idiots ou tous les gens qui n'ont pas d'éducation ou tous les désœuvrés vont à l'armée, c'est pas ça que je dis. Je dis que quand, par exemple, on est désœuvré ou qu'on n'a pas de diplôme, etc., l'armée peut être une option, d'accord ? Je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit. Et donc forcément, ça peut toucher aussi une catégorie de population qui s'est désengagée de l'enseignement secondaire depuis un petit moment et qui se dit « Bon, bah, si au moins je m'engage dans l'armée pendant quelques années et que je peux faire mon trou, j'aurai une certaine sécurité de l'emploi et au moins un petit statut social que seule institution-là peut m'offrir. » Voilà. Oui, c'est au niveau des symboles, c'est intéressant. La Marseillaise, oui, ça renvoie à Marseille. Marseille, c'est quoi aujourd'hui ? Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là. Les symboles hérités de la Révolution française ne me semblent pas très pertinents en 2020, je le dis franchement. Je comprends que par l'usage, le temps, on a pu croire que, mais je ne suis pas tout à fait conquis non plus par ce genre de symboles. Et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il n'empêche pas de contracter hein, le virus du vivre ensemble, hein, le virus nègre. Cette lettre me paraît très révélatrice parce que beaucoup de Français s'illusionnent sur l'armée française. Vous savez, il y a beaucoup de mythes, c'est un petit peu comme l'envers du miroir, et l'inverse est vrai d'ailleurs pour l'armée, qui regarde le monde civil de la même façon que les civils regardent le monde de l'armée. Il y a là quelque chose qu'il faut clarifier, c'est-à-dire que cette armée, depuis l'affaire Dreyfus, est spirituellement au service des Juifs. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Cette armée n'a de française que le nom. Et ça, c'est très important à comprendre. Voilà, c'est une armée juive. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans l'armée sont des juifs ou sont consciemment au service des juifs, parce que ce qui motive l'essentiel des militaires, des choses très, très, très terre-à-terre qui n'ont rien à voir avec ça, mais la tête est juive. Et la tête, c'est tout ce qui compte dans une armée, puisque c'est une organisation hiérarchique par définition. Donc depuis l'affaire Dreyfus, le ver est dans le fruit, le juif est dans le fruit, le sémitisme est dans le fruit, et le fruit est pourri. Ça, c'est d'une, pour ce qui concerne la démoralisation. Et maintenant, on a le cadavre qui pourrit, mais qui pourrit à ciel ouvert. Et l'armée française, c'est un fait. À part faire le planton devant des synagogues, et elles le font très bien, hein, elles le font très bien. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans l'émission, mais je le répète, parce que faut jamais se lasser sur ce genre de choses. Elle le fait parce que l'ambassadeur des États-Unis, en poste, qui était une femme, après l'incident de la rue de la Roquette, les gens s'y reporteront si ça les intéresse, concernant donc une synagogue qui se trouve dans cette rue à Paris, a exigé que l'armée française soit déployée pour protéger les citoyens les plus éminents de France, à savoir les Juifs. Voilà. Au moins, vous savez qui contrôle la France et qui c'est qui contrôle l'Amérique. Ce qui a été fait immédiatement sur ordre de Le Drian, lui-même grand serviteur des Juifs. Alors, dans ces conditions, pourquoi attendre que cette armée fasse quoi que ce soit pour des Français, bien sûr, mais pire, pour des Français qui auraient osé critiquer marginalement nos amis les Bougnoules. Alors après, on peut dire que la critique de Mila, finalement, n'est pas une critique théologique très poussée, mais c'est pas le sujet. Ce que ça traduit, c'est la capitulation totale d'un pays entier. Alors moi, je veux bien que l'armée française, parce que les militaires, ils adorent parler de leur armement. Alors ils ont des porte-avions, des porte-hélicoptères, ils ont les derniers gadgets Nec plus ultra, ils ont la dissuasion nucléaire, ils ont des rafales, ils ont tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Mais par contre, ils ont loupé un détail. C'est que la guerre est dans les maternités. Et qu'un porte-avions contre une maternité, ça sert à rien. Alors ça, l'état-major, ils ont complètement loupé le truc. Vous allez me dire, vous avez vu, c'est quoi l'ancienne tête de l'état-major? C'est De Villiers, cette grosse buse centriste. C'est ça qu'ils avaient pour patron. Alors imaginez, il va taper le ballon avec des nègres en banlieue, il s'en fait, c'est dans Paris Match, d'ailleurs, il en est très fier. Bon, enfin bon, c'est une blague. Bon. Donc, alors par contre, quand ça devient un petit peu compliqué, quand il y a une gamine à protéger, une gamine française, elle a les papiers, bah, pour une fois, c'est une française qui a des papiers français, elle a même les yeux bleus, c'est vous dire. Une française irréprochable, je veux dire, au moins sur la forme. Bon, alors là, tout d'un coup, alors à tous ces gens-là qui ont des plans sur la comète, vous n'avez pas idée, on a des stratégies, contre-stratégies, à 50 ans, là. Alors là, ils ne savent pas quoi faire. Ils savent pas quoi, ils sont le bec dans l'eau, ils ne savent pas quoi faire. Et puis alors finalement, ils disent à la gamine, bah, t'as qu'à te tirer, hein. T'as qu'à te tirer. Casse-toi, va dans un autre pays, on peut rien faire pour toi, tu comprends. On a des musulmans à caresser dans le sens du poil, hein, tu comprends. Voilà. Ça, c'est l'armée française. Bah écoutez, c'est tellement typique. Bon, moi, j'ai rien contre le fait militaire, je suis pas un pacifiste, au contraire. Mais faut pas essayer de me vendre un truc qui est complètement périmé, quoi. Je veux dire, voilà. Le truc date de novembre 96, voilà, faut pas me dire que c'est à consommer dans la semaine, parce que sinon ça va être frelaté. Non, c'est frelaté depuis 25 ans, ok, bon, voilà, donc faut arrêter. L'armée de Jacques Chirac ne m'inspire rien depuis très longtemps, et j'avais raison, voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à en dire. Une armée pré-musulmane, voilà, c'est tout, voilà. Au service des banlieues. Recrutant dans les banlieues. Voilà. Et pour la jeune Mila, je dirais ceci, il faut qu'elle quitte la France. Je vois que ses parents s'interrogent, faut-il quitter la France? Bien sûr, faut quitter la France. Mais évidemment qu'il faut quitter la France. Une gamine comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est pas une militante politique. Je veux dire, elle a pas de gens pour la défendre. C'est même pas sa fonction, quoi, je veux dire. Donc les gens sont là, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Mais bien sûr qu'il faut qu'elle quitte la France, bien sûr. Vous croyez quoi, que Macron, cette espèce d'enflure, va faire quelque chose pour elle? À part essayer de la cacher, parce que c'est ça, hein, Blanquer, Schiappa, ils ont juste essayé de la planquer dans un trou, hein, ni plus ni moins. Donc alors imaginez, alors là je donne du grain à moudre à nos auditeurs, je leur donne un petit peu de stimuler leur intellect. Imaginez-vous que Mila a quand même été très médiatisée, et sur un dossier qui est très défendable, puisqu'elle n'a pas péché par racisme. Donc normalement, son cas, il tient la route. On peut pas l'accuser d'avoir violé le sacro-saint tabou de la République française. Au contraire, même, compte tenu de l'orthodoxie laïque, elle est totalement dans les clous. Eh ben, ils peuvent rien pour eux. Pour elle. Ils peuvent rien. Tout le monde se débine, tout le monde se tire. Personne n'a rien vu, ils savent pas. Alors imaginez, vous, ceux qui nous écoutent, hein, et nous inclus, qui pensaient un petit peu plus loin, qui étaient un peu plus critiques, ou qui pouvaient peut-être par accident, comme ça, laisser sortir une phrase, un mot qui traduit votre pensée réelle, mais dans un milieu où il n'aurait pas fallu le dire, où il y aurait des témoins, etc. Qu'est-ce qui se passerait en pareil cas? Qu'est-ce que ferait la police? Qu'est-ce que ferait le gouvernement? Qu'est-ce que ferait le préfet? Qu'est-ce que ferait l'armée? Ben, ils vous laisseraient vous faire assassiner. Pour un mot de travers qui aurait déplu au bougnoul. Alors dans une France comme ça, avec un gouvernement comme ça, des institutions comme ça, une armée comme ça, une police comme ça, des juges comme ça, vous leur faites encore confiance? Moi non. Et Mila et la famille de Mila ont fait l'expérience et concluent, comme moi, qu'on ne peut pas faire confiance à des gens comme ça. c'est une leçon très importante. Vous voyez ? Alors après, ça ne veut pas dire que Mila, la gamine, elle est entre de bonnes mains, etc. Mais je veux dire, c'est une vraie leçon de vie, ça. Donc, écoutez bien la lettre du père et tirez-en les bonnes conclusions. Voilà. Ne misez pas sur cet état, sur cette république complètement pourrie aux mains des juifs. Laissez tomber, cette république, elle est finie. Quelqu'un veut-il dire quelque chose sur ce cas précis ? Soit sur l'armée, soit sur l'esprit complètement capitulaire qui habite les institutions, qui habite le gouvernement. Quelqu'un veut-il dire quelque chose ? Tiens, Fulbert, ouais. J'ai envie de te chatouiller, t'es un militaire, toi. Oui. Bon, écoute, je n'ai rien à dire sur le constat qui est juste, il n'y a rien à faire. On en avait parlé dans une émission précédente, il y a déjà des mois de cela, à propos des gens qui espéraient que des corps constitués comme... le terme n'est pas bon, mais des institutions comme l'armée ou les forces de l'ordre pourraient un jour intervenir pour sauver le peuple. Ce que tu as résumé montre qu'effectivement, il ne faut pas compter sur eux. Il faudrait vraiment, je ne sais pas, quel événement pour les chatouiller, mais non, ils ne bougeront pas, il n'y a rien à faire. Vous savez, un militaire en uniforme, bon, ça peut encore être un soldat, mais lorsque le soldat en question grimpe dans la hiérarchie, il devient progressivement un fonctionnaire, un haut fonctionnaire, un cadre. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus compter sur eux. Et c'est ce qui se passe. Ah, Fulbert, tu m'attends une perche parce que je voulais répercuter ici une blague qui, je crois, venait de Porovitch. Vous savez, vous entendez souvent dans les milieux un peu d'extrême droite que pour régler le problème des violences, etc., il faut envoyer l'armée dans les banlieues. Vous l'avez souvent entendu, ce genre de truc. Faut dire que maintenant, l'institution a un projet inverse, en fait. C'est de mettre les banlieues dans l'armée. Exactement. Ça va pas donner les mêmes résultats. Ouais, c'est très juste. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il suffit d'écouter les propos de Villiers, je veux dire, je parle du général de Villiers. Hein. Pierre de Villiers, ouais. Ouais, Pierre de Villiers, bon. Je vais pas faire une thèse sur ce type, ok ? Et je parle même pas de ses velléités, le mec il fait des bouquins comment être un chef, tu le vois, le mec, j'ai même du mal à voir un ancien soldat, quoi. Il y a là un mystère, je sais pas, bref. Mais l'art d'être un chef, ou je sais pas quoi le nom de ces bouquins, c'est ridicule, quoi. Je veux dire. Je pense que les vrais militaires, les mecs qui ont été sur le terrain, ils savent que c'est grotesque, enfin, mais bon. Toujours est-il que tu le vois, il affecte de poser avec des bamboulas de banc. Et le mec, il a une âme d'animateur de quartier, quoi. Je veux dire, il y a rien à faire. Et le problème de cette république de gauche, quoi. Mais femelle, quoi. C'est une république femelle de gauche. Et les mecs, ils ont envie de dorloter du bouillon. Il y a rien à faire. C'est ça leur projet. Et tout ce qui peut les gêner aux entournures pour dorloter des crouilles, ça passe par pertes et profits, y compris des gonzesses qui, techniquement, cochent toutes les cases de l'orthodoxie républicaine. Hein. Je veux dire, la jeune Mila, c'est une nana dont on dit qu'elle est lesbienne. Bon, j'ai pas été voir sa vie sexuelle, ça m'intéresse pas. Mais je veux dire, on dit qu'elle est lesbienne, donc a priori, voilà... C'est une nana qui assume le fait d'être une femme libérée, comme on dit aujourd'hui. Elle critique une religion, peut-être même est-ce en relation avec cette inclination qui est la sienne. Très bien. Bon, on nous dit dans les médias que c'est génial, que c'est super, que c'est ça qu'il faut faire. Enfin, une vraie Marianne bis quelque part, vous voyez. Et puis, moi, je m'attends à voir les régiments de chars derrière, quoi. Hein. Si on menace Marianne bis, la République va déployer les tanks. Et puis je me rends compte qu'il n'y a pas de tank, d'accord, il n'y a pas de jeep, il n'y a pas de sentinelle, sauf devant les synagogues sentinelles. Hein. Il n'y a pas de planton, il n'y a pas de repas, il n'y a rien. Donc en fait, c'est quand même dramatique. La jeune Mila, dont on peut, d'ailleurs, on en a parlé dans l'émission, donc sur la teneur de ses propos, d'accord. Je dis pas que c'était forcément ce qu'il fallait dire ou quoi, mais bon, mais elle a plus de burnes que quelques régiments en France, hein. J'aime autant vous le dire, elle a plus de burnes que quelques régiments français, la gamine. Eh ouais, c'est un fait. Et en tout cas, que quelques bataillons de gradés. Hein. Alors, moi, je vous pose la question. Hein, je vous pose la question. C'est rhétorique ce que je dis, mais moi, je ne vais pas en première ligne avec des gradés comme ça. Je vous le dis. Moi, je reste dans mes pénates. Je ne monte pas au front avec des mecs comme ça. Je veux dire, parce que les types, ils courront plus vite que moi si jamais ça chie. Mais c'est clair. Hein. Je veux dire, ces mecs-là, c'est même plus des planqués à ce stade. Je veux dire, c'est même plus des embusqués. Quoi. Voilà, bon. Je sais pas, hein, moi je pense que ça invite l'armée française à qui n'arrivera pas, mais à un exercice d'introspection très intense. Voilà, parce que quand ça va chier, ils vont avoir des tas de gradés comme ça. Hein. Ça, c'est un vrai message que je vais adresser aux militaires qui nous écoutent. Vous êtes des militaires? Ok. Peut-être que vous êtes des simples soldats ou sous-officiers, vous êtes là en première ligne. Mais vos gradés, là, mais ils vont tous se barrer dans l'autre sens. Hein. Ils vont se casser, ils vont vous laisser au plat. Si jamais ça déconne, ils vont vraiment se tirer, quoi. Ils vont vraiment se tirer. C'est des mecs qui sont rentrés dans l'armée, ils se sont dit, l'armée, c'est bien. Mon père était militaire, mon grand-père était militaire. Mais il y aura des exceptions, il y aura des mecs courageux, mais il y a des tas de mecs qui sont dit non, je suis rentré dans l'armée pour faire carrière, je suis pas rentré dans l'armée pour prendre des risques. Et voilà, et ça c'est un exemple. Hein. Alors je dis pas que tous les militaires pensent comme le colonel. Hein. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Hein. C'est bien sûr, c'est beaucoup, beaucoup plus nuancé que ça. À mon avis, ça doit gueuler ferme aussi en interne. Mais quand même, c'est arrivé. Voilà. Petite citation. De toute manière... Un excellent exemple, c'est de voir le Pentagone à la française qu'a voulu Sarkozy. C'est un truc qui a été construit par des entreprises privées françaises, qui a coûté je sais combien de milliards. On a regroupé l'intégralité des corps d'armée dedans, et la sécurité est faite par des compagnies civiles. Bon, bah, c'est clair que le jour où il y aura un attentat là-dedans, on va voir des militaires qui vont devoir gambader dans tous les sens parce que, évidemment, quand ils rentrent là-dedans, ils n'ont même pas d'armes de service. Pierrot. Petite citation. Vous allez essayer de deviner qui en est l'auteur. D'accord. Les Français ressentent à l'unisson qu'ils sont à un point de bascule et que vient le moment du courage, d'un équilibre entre ceux qui exercent l'autorité et ceux qui doivent la respecter, entre humanité et fermeté, entre droits et devoirs. C'est ainsi que nous pourrons nous réconcilier, au-delà de nos différences, sur le chemin de l'unité et de l'espérance. Voilà, donc ça, c'était la première de couverture du bouquin de Pierre de Villiers qui s'intitule « L'équilibre est un courage ». C'est-à-dire qu'en fait, la France, il y a tout qui s'écroule, d'accord. C'est en train de devenir Boko Haram. Il y a des gens, ils gueulent, ouais, attention, l'armée, qu'est-ce que vous faites et tout. Bah, je vais publier un bouquin qui va s'appeler « L'équilibre est un courage » pour dire qu'en fait, le mec, il appelle à, je cite, à tout faire pour retrouver la véritable réconciliation nationale. Super. Réconciliation, oui, ça, réconciliation. Ce ne sont pas mes mots, hein, ce sont les siens. Oui, le centrisme est un courage. Ouais. C'est un concept, hein, probablement celui de Giscard d'Estaing, déjà, il y a 50 ans. Hein, le centrisme est un courage. Ouais, le refus de choisir est un courage. Je pense que ce mec a à peu près autant de testostérone qu'une vieille grand-mère qui vote Bayrou, quoi. Non, mais ils essayent même de nous le vendre chargeant Bayonet. Non, mais en plus, le mec se vante d'avoir écrasé la Serbie, quoi, pour le compte des musulmans. Non, mais moi, je peux pas. Je peux pas, hein. Autant les guerres balkaniques sont très complexes, la première phase avec les Croates et tout, c'est autant la phase avec le Kosovo, c'est une saloperie des Juifs et des Américains. Enfin, il y a rien à tirer de cette guerre. Putain, t'as quand même des mecs comme De Villiers, ils sont en train de se sentir... Ouais, on était là. Allez, pause musicale pour tout le monde et on revient après. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 5, épisode 46. Alors messieurs, on va s'intéresser un petit peu plus à la situation sanitaire, même si on a commencé l'émission là-dessus. Mais Noël approche, et vous le savez, Noël est l'objet de toutes les attentions des autorités, c'est vrai en France comme en Belgique, j'insiste sur ce second pays parce que nous allons en parler aussi. Mais nos amis les Juifs s'intéressent à Noël. Hein, ils ont des idées en tête. Et le généticien Axel Kahn, qui souhaite pour la race blanche le métissage intégral, il l'a dit à plusieurs reprises, donc ce n'est pas vraiment un secret que j'évente, a une idée pour Noël. Hein, on va l'écouter tout de suite. Et on se retrouve pour commenter très brièvement sa suggestion. Vous allez voir que c'est finalement pas très original pour un juif. Ce qui est important dans la vie, c'est de n'être pas infecté, de pas mourir. Mais ce qui est important dans la vie, c'est de vivre. Ouais. Et Noël, ça fait partie de la vie. En tout cas, on va pas faire, évidemment, Noël comme d'habitude. Ça, c'est un problème de responsabilités individuelles. Je crois. Il faut que les personnes sachent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai fait un choix qui m'est personnel, avec ma famille. Je fais Noël au mois de juin. Voilà. Noël donc, en été ? Absolument. Donc, je considère qu'au mois de juin, ça ira mieux. Je pourrai embrasser mes petits-enfants, leur faire tout plein de bisous dans tous les sens. Ça sera formidable. Et voilà. Alors que là, si je fais Noël avec mes petits-enfants, là, je sais très bien qu'il faudra que je sois à 3 mètres 2, avec un masque. Il faudra que les parents les gardent pour qu'ils ne se précipitent pas sur papy. Ils l'aiment bien, papy, vous savez. Ouais. Sur leur grand-père, ils l'aiment bien. Et donc, mais d'autres vont faire un autre choix. Ça, c'est un problème. Est-ce que c'est votre recommandation, votre préconisation? Vous nous dites de faire pareil, Noël en juin? Ah non, mais vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Mais si vous faites Noël le 25 décembre, ce qui est à peu près normal, faites gaffe. Faites gaffe. Je disais il y a, je sais pas si vous vous rappelez l'expression, mais je disais au mois de septembre, attention, ne faites pas les cornichons. Ça sent, voilà, ça, vous disiez, ça sent le sapin déjà, hein. Oui, mais vrai. Le sapin de Noël, évidemment, c'est ce dont je parle. Et donc, il faut faire très, très attention. Les Françaises et les Français, il faut reconnaître, hein, je ne veux pas les accabler, mais ils n'ont pas fait assez gaffe, c'est sûr. Alors, messieurs, Axel Kahn, d'origine juive, hein, veut fêter Noël au mois de juin. Suggestion intéressante, est-ce que vous auriez d'autres suggestions à proposer? Peut-être. Oui. Ah. Vu son nom, je me demande quelque part si on n'aurait pas tout intérêt à fêter Hanouka. Parce qu'Hanouka, on va le fêter au moment d'Hanouka, c'est-à-dire de Noël. Hein? Donc on fera Noël au mois de juin. Hein? Comme ça, Axel Kahn sera content. Tout à fait, c'est une bonne suggestion, ça. Bon, alors les Juifs n'aiment pas Noël. Hein? Pour une raison assez simple. Premièrement, déjà, enfin, Il y a Noël à deux racines, une racine païenne, le solstice d'hiver, bien évidemment, je n'apprends rien à personne. La tradition du sapin est une tradition germanique, je n'apprends là non plus rien à personne. Donc il y a là quelque chose de nordique qui dérange beaucoup nos habits bédouins circoncis, disciples de Yahvé. Et puis ensuite, il y a la dimension chrétienne. Alors, dans la dimension chrétienne, ce qui les dérange, évidemment, c'est la référence au Christ. Et si vous connaissez un petit peu les Juifs, vous apprendrez que le Christ met très mal à l'aise les Juifs en général. À tel point d'ailleurs que, de son vivant, ils l'ont cloué sur une croix. Donc évidemment, quelqu'un qu'ils ont assassiné n'est pas quelqu'un qu'ils apprécient particulièrement. Donc s'ils peuvent se débarrasser de Noël, ils vont le faire, hein, et ou plus exactement fêter Noël au mois de juin. Non, donc, enfin, vraiment, les Juifs osent tout. Hein, voilà, bon, la route spa totale. Donc les types, voilà, on va fêter Noël, on va fêter Noël, hein, Christian, hein, au mois de juin, hein, voilà, ton Dieu, il est né au mois de juin, voilà, formidable. Les types foncent, c'est Europe 1, RTL, ils avancent, ils s'en foutent totalement, ils savent qu'ils ont carte blanche, là, les goy en face d'eux ne résistent plus. Bon. Voilà, hein, c'est la France livrée aux Juifs, ça ne peut donner que ça, quoi. Avec l'excuse sanitaire, bien sûr. Et pas seulement la France, parce que dans les régions francophones voisines de la France, c'est pareil. C'est aussi, on parle de plus en plus de Noël au mois de juin. Ah bon? Ah oui. Bon, ben. Alors, il y a un deuxième étage à cette fusée. C'est bien évidemment ce qu'on appelle le Great Reset. Bon, dans les émissions précédentes, on en a parlé. Je pense que nos auditeurs se sont renseignés, se renseignent, suivent ce qui peut en être dit de ce Great Reset, Davos, l'ONU, l'OMS, etc. Donc, pas besoin de s'y arrêter. Mais il y a une dimension évidemment marxiste à tout ça, et je crois que ce qu'ils veulent vraiment abolir, c'est toute référence religieuse. Donc tout ce qui pourrait être des points de repère spirituels préexistants, c'est quelque chose qu'ils veulent totalement voir être effacé, de la même façon d'ailleurs dont ils veulent nous voir être effacés racialement. Enfin là, il y a une cohérence. Le prétexte du Covid, enfin c'est flagrant. Je cite le cas belge, là je rebondis, Fulbert, sur ce que tu... Bon, l'histoire du mois de juin, je ne le savais pas, mais enfin sur les restrictions relatives aux célébrations de Noël cette année en Belgique, moi je pense qu'il faut en parler parce que c'est drastique. Alors je cite là le Courrier International, c'est tout à fait frappant, donc... Je lis, en Flandre, dans le nord du pays, plusieurs zones de police devraient avoir recours à des drones équipés de caméras thermiques pour détecter d'éventuels rassemblements durant la période des fêtes et veiller au respect du couvre-feu. Le dispositif pose de sérieuses questions, estime la presse flamande, car les drones ne font pas de différence, entre les lieux publics et les espaces privés, donc en fait entre les places, je sais pas, une rue, une avenue ou que sais-je, et une maison, un pavillon, un appartement, où ils ne sont pas censés opérer. À ce stade, les fêtes de fin d'année s'annoncent très privées en Belgique, la situation sanitaire ne s'étant pas suffisamment améliorée, les autorités n'ont pas prévu d'assouplissement à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Les ménages belges pourront donc recevoir un seul invité, comme ces dernières semaines, tout au plus les personnes seules auront-elles droit à un invité supplémentaire, c'est-à-dire à deux invités, et les Wallons à un couvre-feu légèrement repoussé le soir de Noël, rapporte la RTBF. Quant à la Flandre, où le couvre-feu était déjà plus tardif qu'en Wallonie, elle emboîte le pas à la ministre de l'Intérieur qui a assuré au journal gratuit des ondes d'ag que la police allait veiller à l'application des règles le soir de Noël et, je cite, « si nécessaire en cas de tapage, notamment sonner aux portes ». Certaines provinces flamandes ont fait connaître leur dispositif, comme l'interdiction pour les enfants de la zone d'Anvers de s'adonner au traditionnel cœur de Noël au porte-à-porte. Mais ce sont sans doute les nouvelles du Limbourg et de la Flandre occidentale qui font le plus parler d'elles. Cette dernière province, qui comprend Bruges et la côte belge, connaît une situation sanitaire particulièrement tendue, dixit, et craint un afflux à l'occasion des fêtes. C'est pourquoi le gouverneur a appelé la police à appliquer la tolérance zéro et à recourir systématiquement à des amendes plutôt qu'à des avertissements. De plus, rapporte Et Last News, bon, pardonnez-moi, je ne parle pas flamand. Last News. Ah ben voilà, j'ai un flamand. Voilà, bon, enfin bon, bref, peu importe, ils vont foutre le paquet. Alors, quelle réaction là-dessus? Enfin, les drones thermiques, les gosses peuvent plus chanter dans les rues, faire du port, chanter. Enfin, bon, on a un climat de guerre pratiquement. Et encore, je pense que durant l'occupation, c'était plus joyeux. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Moi, je veux dire une chose, c'est que ce sont des décisions qui sont prises relativement, qui sont relativement locales. Tu l'as dit pour les drones, c'est le Limbourg. Tu as parlé d'Anvers, Antwerp. Oui. Bon, pour les drones, par exemple, il y a eu une telle réaction que le ministre de la Justice, Van Kickenborn, oui, c'est comme ça. S'est senti obligé d'intervenir en mitigeant sérieusement la chose et en rappelant que, par exemple, qu'un drone n'a pas encore cette capacité de réellement faire la différence entre ce que tu as dit, hein, les rassemblements publics ou privés, etc. Disons que par la loi belge... Je ne suis pas belge, donc je ne vais pas te donner un cours de droit belge. Je n'en sais rien. Mais au plan technique, je voulais pas parler de l'espace public, de l'espace privé, mais les drones thermiques ne sont pas censés voir à travers les murs, ce que je conçois à peu près clairement. Mais est-ce qu'on sait bien le matériel qu'ils utilisent ? Moi, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas me lancer dans des théories là-dessus, mais enfin bon, est-ce que les couples d'amoureux qui, à Noël ou au Nouvel An, se retrouvent, là, bon, je vous passe les détails, ont forcément envie de savoir que des machines survolent leur baraque pour regarder ce qui se passe un petit peu partout ? Moi, ça m'emmerde un petit peu aussi, vous voyez ? Et là, on voit que ça pousse. Oui, mais déjà, les infrarouges, ils ont un équipement... les drones ont un équipement infrarouge. Donc, c'est comme ça qu'on peut déterminer les rassemblements. Et comme dit le ministre de la Justice, un tel engin est utile pour détecter la présence d'un endroit où l'on fabrique de la drogue, mais recourir à des drones comme moyen général pour contrôler les mesures corona, ça va trop loin, estime-t-il. Hein ? Ce qui fait que, je vous l'ai dit, hein, il y a eu une telle réaction que, bon, ça commence à freiner les cas de fer. Pour le moment. Pour le moment, oui. Diabolix. C'est-à-dire que tu as raison, Gandalf, dans le sens où la Belgique et le gouvernement belge sont des gouvernements faux-cul. Je comprends que le ministre de la Justice, qui tient à ne pas se retrouver avec des poursuites au cul, ait tendance à modérer les choses. Maintenant, je vais prendre un exemple. En Belgique, on a, à un certain moment, dans les années 80-90, on a commencé à étendre le réseau des systèmes de surveillance par caméra. Il y en avait sur chaque... pilot. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour rassurer le peuple? Quand les images étaient produites dans les émissions de télévision, dans les émissions de police, la qualité de l'image était toujours dégueulasse. Mais dans la réalité, quand ces images étaient produites au niveau du parquet et que les gars étaient devant les juges d'instruction et qu'on leur disait « vous êtes passé par telle rue à tel moment », on leur mettait sous le nez des images qui étaient absolument parfaites. Donc, quand le gouvernement belge a tendance à dire « oui, mais non, mais on va trop loin, mais on fait ceci, mais on fait ça », ça, c'est uniquement la foire pour se couvrir juridiquement si demain, quelqu'un avait l'intention de vouloir aller plus loin et de le rentrer dans le chou. En fait, la technologie, ils l'ont. Ils ont mis le pognon dedans et ça pourra aller probablement beaucoup plus loin que ce qu'on va nous raconter à la télévision. C'est ça le problème. Comprenez bien que le gouvernement belge est un gouvernement de pourris. Ils ont les moyens technologiques, ils utiliseront les moyens technologiques, mais ils vous feront toujours croire qu'au niveau qualitatif, c'est pas ça, point barre. Ouais, je confirme totalement, d'autant plus que la ministre de l'Intérieur, Annelise Verlinden, a expliqué à la Chambre qu'un texte était en préparation pour, entre guillemets, pour donner une plus grande sécurité juridique aux mesures prises, tout en leur garantissant une certaine flexibilité afin de répondre rapidement à l'évolution de la maladie. Donc, vous voyez, tout ça, c'est du mandarin. C'est fait pour que, qu'on ne saisisse pas très bien, hein, les gens ne lisent que les titres en général, mais ils ont déjà tout mis en place. Oui, c'est ce qui se passe. Ouais, effectivement, ils ont bouclé le truc. Je pense que c'est dynamique aussi. Ils veulent progresser. Ils regardent quand ça passe, quand ça passe pas. Il y a une réaction, on recule et puis ensuite on revient à la charge et la résistance est moindre. Quoi, ils savent très bien comment faire. N'empêche que les caméras thermiques pour essayer de traquer des rassemblements avant les fêtes de Noël, c'est en soi c'est criminel. On a affaire à vraiment à des campagnes de terreur. Je comprends toujours pas pourquoi les gens réagissent pas. Il n'y a toujours pas de réaction à grande échelle. Bon, je ne me l'explique pas. C'est la crainte du gendarme, c'est la crainte des amendes, c'est la crainte des emmerdes. Il faut bien se rendre compte qu'à l'heure actuelle, la majeure partie de la population, elle naît dans le guidon pour arriver à boucler sa fin de mois et avoir un peu de pognon pour, entre guillemets, survivre, parce qu'il ne s'agit plus de vivre. Et c'est clair que si tu te retrouves demain avec 135 euros d'amende, voire même plus, voire même des possibilités de garde à vue ou des couillonnades du genre, ça ne t'arrange pas. Donc les gens, ben, ils ont la trouille et ferment leur gueule. Ouais. Ah, tu parles un peu. Mais en matière de technologie, on est arrivé à des systèmes qui sont encore beaucoup plus pourris. Bon, on a les IMSI catchers pour pouvoir capter l'intégralité des communications téléphoniques et voire même ton agenda et tout ce qu'il y a dans ton smartphone, mais ça ne s'arrête pas là. Je suis tombé dernièrement sur une démonstration fort sympathique. Ce sont des petits appareils qui sont mis entre les mains du service des douanes qui te permettent à la frontière d'inspecter l'intégralité d'un véhicule. C'est-à-dire que tu mets ça contre la carrosserie et tu vois tout ce qui est à l'intérieur. Donc le gars qui s'est amusé à modifier son véhicule pour le bourrer de drogue, par exemple, ben, tu vois tous les petits paquets qui s'alignent les uns derrière les autres. C'est du matériel portatif, ça ne coûte pas extrêmement cher. C'est un système sur base de la résonance magnétique. Et en fait, tu vois exactement, tu as le même résultat que les check-in des aéroports. Mais bon, c'est totalement portable et c'est en train d'être diffusé dans toute l'Europe. Donc, je vous dis bien franchement, si vous avez des trucs bizarres à transporter, faites gaffe parce que vous allez vous faire gauler. D'ailleurs, et toujours dans le cadre du coronavirus, une petite chose en plus. On parlait tout à l'heure de l'armée en général. Bien, dans le cadre du coronavirus, j'ai appris par un voisin et j'ai eu confirmation par deux militaires que l'armée belge, du moins le corps de santé, c'est-à-dire le service de santé qui est un corps séparé, envoie des militaires dans les centres d'accueil des hôpitaux en Belgique, en général c'est un couple de militaires, pour rappeler aux gens, les gens qui se présentent donc à l'hôpital, hein, pour rappeler les mesures de sécurité, la distanciation, etc., etc., etc., aux gens qui viennent à l'hôpital. Mais Fulbert, à propos d'hôpitaux, il faudrait absolument aborder le système du merveilleux hôpital Erasme. Alors, l'hôpital Erasme est un hôpital universitaire qui dépend de l'Université libre de Bruxelles. Bon, l'Université libre de Bruxelles, c'est les francs-maçons et les youpins. Alors, il y a quelque chose qui m'amuse énormément parce qu'on est en train de faire le constat du fait que les hôpitaux sont dans un état lamentable, que le matériel est usé, qu'on n'a plus les fonds nécessaires, qu'on n'a plus de budget, on n'a plus les personnels, on n'a plus rien du tout. Mais je rappelle, et c'est tout à fait visible sur des émissions qui s'appelaient, oh, je ne reviens plus sur le nom, c'était pas Tout ça nous rendra le Congo, c'était une autre émission de la RTBF qui était, ma foi, assez sympathique. Les budgets... Ah, j'ai oublié. Excuse-moi. Ok, donc je termine. Hein. En fait, l'hôpital Erasme, à l'époque du professeur Tannenbaum, excusez-moi, qu'est-ce qu'il faisait ? Ben, tous les lits d'hôpitaux qui étaient déclassés, ben, ça partait joyeusement dans toute l'Afrique. Zou, hop, en avant, ça partait. Et c'était remplacé par des lits d'hôpitaux qui étaient complètement modernisés, des lits électriques qui permettaient, entre guillemets, au personnel d'avoir moins de charges et de lourdeur de travail. Sauf que, bon, le personnel, on a taillé dedans depuis longtemps. Donc, le principe, c'est que ces gens ont dépiauté le bien public de l'hôpital pour pouvoir expédier l'intégralité du matériel en Afrique. Et bon, ben c'est tout à fait normal, sauf que maintenant, ben on est en train de s'apercevoir que les caisses sont vides et que ben, le matériel, on en a de moins en moins. Ben maintenant, on sait où il va. Je crois que c'était les budgets inutiles, l'émission. Ça doit être un truc du genre, oui. Alors, Alexis, Est-ce qu'on peut parler, puisqu'on est sur le Covid, et sur le Covid et contrôle des populations, etc., est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui se passe autour du professeur Fourtillant ? Je pense que tu connais un peu le sujet quand même. Nous faire un petit topo sur ce qui se passe. Oui, le professeur Jean-Bernard Fourtillant est quelqu'un qui est agrégé de pharmacologie, de toxicologie, ingénieur chimiste en parallèle. C'est donc quelqu'un qui est très calé dans son domaine, qui a fait des découvertes qu'il cherche à breveter et qui semblent prometteuses sur notamment la valentonine. Il en a fait des patchs qui donc améliorent, semble-t-il, considérablement l'état des malades d'Alzheimer et de Parkinson. Donc il avait eu un premier procès par rapport à ça. Et puis donc il a, dans le cadre du Covid, estimé que l'Institut Pasteur avait participé à l'élaboration du coronavirus. Et donc je ne suis pas certain à 100% de ce qu'il affirme. En tout cas, il a un certain nombre d'éléments, à savoir que un docteur en particulier au niveau de l'Institut Pasteur, qui est Olivier Schwartz. Olivier Schwartz, oui. De même que Frédéric Tanguy de l'innovation vaccinale, l'Institut Pasteur, et Pierre Charnot aussi. Mais donc il estime que ces gens-là ont participé à l'insertion de séquences de malaria et de HIV dans le SARS-CoV-1, qui était un coronavirus naturel. Bon, vu que c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de brevet, puisqu'il en a déposé lui-même, on pouvait estimer qu'il a des éléments tangibles. Bon, je discute pas à 100% de qu'il ait raison ou pas de dire que l'Institut Pasteur travaillait à la fois sur le virus et en même temps sur le vaccin depuis longtemps, en collaboration avec Bill Gates et en collaboration avec AstraZeneca, c'est-à-dire l'antichambre de l'Institut Jenner à Londres. Peut-être a-t-il tort, peut-être a-t-il raison. En tout cas, l'Institut Pasteur avait porté plainte contre lui pour diffamation. Et lui-même a choisi de contre-attaquer en portant plainte également contre l'Institut Pasteur pour crime contre l'humanité. Et là, depuis quelques jours, il a été interné de force en psychiatrie, alors que c'est quelqu'un qui est encore tout à fait sain. Et donc, il a été interné, et d'après les nouvelles qui tombent aujourd'hui, des gens donc à Uzès Pont du Gard, dans l'hôpital psychiatrique de Le Mas Carcéron. Et donc là, il y a des vidéos qui circulent de gens qui se sont réunis autour pour essayer de manifester, de dire libérer Jean-Bernard Fourtillant. Et notamment un de ses amis, le docteur Talschaller, qui a été le voir, a essayé de le voir, et il a dit « Je suis médecin, j'aimerais bien voir Monsieur Fourtillant, qui est un patient ». Et on lui a refusé l'entrée, on lui dit « Non, c'est pas possible, il est interné pendant 15 jours au moins bon. ». Et de même, semble-t-il, sa femme, Madame Fourtillant, lui aurait rendu visite, mais… Maintenant, on est sans nouvelles d'elle, alors qu'il a depuis déjà un moment. Donc, c'est une situation très inquiétante. Qui est très préoccupante de la part d'un cerveau français, c'est-à-dire que les criminels, les racailles qui violent, qui tuent, qui, etc., vont à peine faire un petit peu de garde à vue et vont être relâchés avec un petit peu de sursis. Et là, on a un cerveau français, donc qui avance des éléments discutables certainement, mais et qui là est enfermé donc avec les traitements de choc qu'on doit lui administrer de force, hein, j'imagine. Donc là, je suis assez touché par ça et je pense qu'il faut relayer cette info et essayer de se mobiliser d'une manière ou d'une autre. Ça me rappelle évidemment, et ça ne peut que rappeler à nos auditeurs les plus avertis que ce qui se pratiquait en Union soviétique, ça y est, on y est. Vous savez que dans les émissions précédentes, avec tout ce qui se passe autour du Covid, on a parlé de la Belgique là avec les drones thermiques pour surveiller la population, la confusion au niveau du gouvernemental. Ils disaient oui, mais non, mais pas vraiment, mais quand même si, un petit peu, etc. Bon, qu'on basculait dans quelque chose de complètement nouveau et à la fois de très ancien. Plus particulièrement, j'ai souvent cité ce cas-là, c'est le cas de la RDA. Avec notamment la semaine dernière l'histoire de la Suisse et des Français qui voulaient se rendre en Suisse pour aller skier suite à l'interdiction qui leur était faite par le gouvernement français et par Emmanuel Macron de se rendre dans les stations de sport d'hiver françaises. Et j'avais dit que, bien que dans pareille situation, on avait déjà connu ça en RDA, les gens votent avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils partent, ils quittent le territoire qui les opprime, qui les empêche tout simplement d'avoir une vie normale, et que le cas de la Suisse, puisque beaucoup de Français qui se voyaient interdire la possibilité d'aller pratiquer les sports d'hiver dans les Alpes françaises, aller se rendre en Suisse pour pratiquer leur passion. Et le gouvernement français a réagi en les menaçant de mise en résidence surveillée. J'avais dit, ce qui s'est passé en RDA. Parce qu'effectivement, en RDA, pendant une quinzaine d'années, il n'y avait pas de bouclage total des frontières. Et les deux systèmes, l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, c'est-à-dire en fait une économie libre d'un côté et une économie contrôlée par les marxistes de l'autre, étaient mises en concurrence, mais sans possibilité, enfin avec une possibilité d'échapper à un système ou à l'autre. Évidemment, les marxistes perdaient systématiquement. Et donc, ils ont édifié le fameux mur de défense antifasciste. C'est comme ça qu'ils avaient appelé leur muraille pour empêcher leur population de fuir. Et j'ai dit qu'on se retrouvait face à ça. Eh bien, ce que tu nous dis là, c'est un autre épisode, un autre élément à charge que l'on retrouvait dans le système communiste. C'est-à-dire qu'on mettait les opposants qui étaient des intellectuels, qui formulaient des critiques argumentées, solides, qui pouvaient être reproduites et en tout cas discutées, on mettait ces gens-là en hôpital psychiatrique. À la différence d'autres opposants qui pouvaient être des agitateurs, qui pouvaient être des gens qu'on pouvait qualifier très très vite de hooligans. Voilà. Les intellectuels, eux, sont beaucoup plus dangereux puisqu'ils peuvent défendre leur cas. Ils peuvent écrire des ouvrages, ils peuvent animer des journaux, etc. Et évidemment, ce qu'ils disent peut inspirer d'autres personnes, et on peut se dire, voilà, ce que disent ces gens, c'est vrai, c'est sérieux, c'est une critique qui porte. Et là, le tour de passe-passe, en fait, du KGB, c'était de foutre la personne en hôpital psychiatrique. Pourquoi en hôpital psychiatrique et pourquoi pas en prison, tout simplement? Eh bien, en hôpital psychiatrique, parce que le mec est fou, il sait pas ce qu'il dit. Il délire, il confond la réalité et la fiction, il confond l'imaginaire et ce qu'il vit au quotidien, le type a des problèmes, etc. Et voilà, donc l'idée était d'instiller le doute dans ceux qui pouvaient lire les ouvrages, ceux qui pouvaient suivre les publications, les journaux, et se dire, ouais, peut-être que le mec est peut-être complètement taré, en fait. Et si vous suivez tout le discours autour du conspirationnisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de conspirationnisme. Nous avons effectivement des doudingues qui voient, qui ramènent leur marotte dans absolument tous les sujets. Donc ça existe. Mais il y a quand même des gens aujourd'hui qui, sur les questions comme le Covid, posent des questions qui sont des questions simplement de bon sens. Et là, on leur dit non, vous êtes des conspirationnistes, vous êtes des fous. En fait. Vous êtes des fous. Vous avez des problèmes avec la rationalité. Et là, on voit que ce n'est plus uniquement des accusations. C'est plus uniquement des accusations dans le cas de Fourtillan, du professeur Fourtillan, puisque cet homme avait été ciblé, comme nous avons été ciblés, comme beaucoup d'autres sont ciblés, par le site Conspiracy Watch, qui n'en fait n'est pas un site, c'est un organe de propagande du système, animé par deux juifs, Rudi Reichstadt et Tristan Mendès, qui descend d'ailleurs de négriers juifs bordelais, et qui fait maintenant profession d'antiracisme. On n'arrête pas le progrès chez les juifs. Et ces gens, en fait, désignent, font des listes d'opposants à éliminer. Bien. De différentes façons, d'ailleurs. Et ils ont cité, début décembre, Fourtillan, comme étant une menace. Une menace pour le système, puisque le programme continue à se dérouler par ailleurs. Hein, et que l'excuse sanitaire sert à dérouler toutes les mesures qui sont prises en urgence par le gouvernement et les gouvernements occidentaux en général. Et là, son nom a été cité, et 15 jours plus tard, même pas 10 jours plus tard, le type est dans un hôpital psychiatrique. Attention, ça, c'est l'URSS. C'est l'Union soviétique. C'est la Russie bolchevique des commissaires politiques juifs. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ça marchait comme ça il y a 100 ans en Russie. Ça marche comme ça maintenant. Donc ce n'est pas une blague, ce n'est pas une farce, ce n'est pas un quiproquo, ce n'est pas un original qui s'est trompé, etc. C'est quelqu'un qui défend un autre discours, une autre thèse, qui est un scientifique, qui a quand même 40 ans de là. On peut dire ce qu'on veut de ce qu'il dit, mais il défend un point de vue. La réaction du système, ce n'est pas de dire « Monsieur, ce que vous dites est faux, la preuve ». Tel professeur discute ce que vous avez dit dans tel journal. C'est, on arrive chez lui, on se saisit de lui, on va dans un hôpital psychiatrique, l'homme est fou, ne l'écoutez pas. Et là, tu me dis que sa femme s'intéresse à son cas, c'est pareil, on n'entend plus parler, peut-être va-t-elle réémerger, peut-être pas, et voilà. Donc ça, ce sont des méthodes bolcheviques. C'est éprouvé, on l'a déjà vu. Ce n'est pas du tout nouveau. Et ceux qui n'ont pas de culture anticommuniste seront peut-être surpris, mais ceux qui, comme nous, nationalistes, savent très bien à quoi s'en tenir vis-à-vis des marxistes et vis-à-vis des juifs, ne seront pas du tout surpris. Et ce que je dis, c'est que là, on a professeur Fortillon qui est entre quatre murs, mais attention, ça a vocation à être réédité. Et le problème avec cette tactique de la part du système, c'est que quand vous êtes interné pour des raisons psychiatriques, votre cas n'est plus un cas, qui peut être défendu rationnellement devant un tribunal, votre cas est un cas médical. Et tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire va être interprété sur un plan médical et non plus sur un plan politique. Alors excusez-moi, mais quand vous défendez un point de vue politique, ou simplement un point de vue scientifique, et que vous terminez face à des médecins qui veulent évaluer votre degré de folie, si vous voulez, le paradigme a complètement changé. Et c'est ce qui se passe avec cet homme, c'est ce qui va se passer avec d'autres personnes. Donc c'est très grave, et il faut absolument en parler, ne laissez pas cet homme être enseveli, entre quatre murs, par des bandits. C'est pas possible, quoi. Il faut vraiment réagir, là. J'espère que son cas va être médiatisé. Hein. Oui, il y a plein d'autres choses à dire. Alors, d'abord, pour ce qui est de sa perquisition, avant l'internement qui a eu lieu très récemment, là, il avait donc publié non seulement sa plainte, mais aussi un commentaire visant à dire que il a donc c'est sur le site vérité-covid19.com, et c'était .fr auparavant, je crois que c'est redevenu .fr, je sais pas trop pourquoi, mais enfin bon, à un moment donné ça avait été supprimé. Puis oui, le site est supprimé systématiquement. Voilà. Et il s'était parti au Canada se faire héberger, puisque apparemment l'hébergeur OVS, je crois, avait refusé de continuer à héberger suite aux pressions de l'Institut Pasteur, dit Fortillon, donc pression du gouvernement. Donc Fortillon raconte quand même dans son courrier, qui est toujours disponible, associé à sa plainte, que il a reçu une première visite visant à confisquer ses ordinateurs, l'iPad de sa femme, enfin les trucs, les clés USB dont il disposait. Il affirme aussi déjà dans une émission de Radio Courtoisie datant de septembre que ses comptes en banque avaient déjà été bloqués, qu'il ne pouvait plus procéder à des paiements, ni lui, ni la fondation qui est liée au laboratoire qu'il dirige, puisque non seulement il donnait des cours de médecine, mais en plus il faisait des expérimentations dans un laboratoire. Voilà pourquoi il a pu développer ce qu'on appelle les patchs de Valentinine, donc visant à soigner des patients qui d'ailleurs semble-t-il être extrêmement contents des résultats. Hein. Donc, et qui le soutiennent, bien sûr. Donc, voilà, c'est, et d'ailleurs, aussi, autre élément, faut pas que je vous le dise, c'est que son avocat, Marc Fribourg, je crois, donc, nom un peu curieux, s'est retourné contre son client en disant qu'il ne voulait pas défendre Monsieur Fortillon parce qu'il est conspirationniste. Oula, alors là, on a un cas. Alors, le Fribourg, je ne sais pas de quel bord il est. Mais on a dû l'encourager à... Alors, parce que ça, c'est pas possible, si vous voulez. Un avocat n'est pas là pour avoir... Pour se livrer à ça. Ça, c'est typique... Encore une fois, c'est typiquement soviétique. L'avocat qui commence à plaider contre son propre client, c'est soviétique. C'est soviétique. C'est manifeste. C'est manifeste. On retrouve les mêmes méthodes. C'est manifeste. Imaginez ça. Je veux dire... Tous ceux qui sont familiers du marxisme, tous ceux qui sont familiers de l'Union soviétique, des systèmes communistes, savent tout ça. L'avocat qui dit « j'ai vu la lumière, c'est un ennemi du régime », bon, vous avez compris ce qui se passe. Fortillon a visiblement été identifié comme un ennemi très sérieux par le système, hein, et ils veulent s'en débarrasser. Alors faites du bruit autour de ce mec-là. Hein. Ne le laissez pas se faire enterrer. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, surtout. Moi, j'en sais rien, je ne suis pas scientifique, je veux dire. Mais j'ai vu des vidéos à lui, d'accord ? J'ai regardé, j'ai voulu savoir si le type était loufoque. L'homme n'est pas loufoque. l'homme n'est pas loufoque. Je ne dis pas que les conclusions auxquelles il parvient sont nécessairement bonnes, mais le type n'est pas loufoque. Avec l'avocat qui se retourne, qui le poignarde dans le dos, et qui s'appelle Fribourg. D'ailleurs, j'aimerais savoir comment on appelle Fribourg dans ce cas précis. J'aimerais voir sa gueule aussi, d'ailleurs. Fribourg, s'il a une gueule de méditerranéen avec un nom comme ça, le crime est signé. Oui, en tout cas, quelle que soit l'origine, j'ai vu son c'est un chauve et une tête un peu bizarre, effectivement, mais en tout cas, on lui a peut-être filé aussi une belle valise de billets pour faire ce qu'il fait. Alors, on n'a pas dit non plus, mais Fortillon a participé à Hold Up, donc oui. C'était d'ailleurs voilà. Donc il y a l'équipe de Hold Up qui le laisse pas tomber. Il y a Pierre Barnérias qui a donc co-dirigé, je crois, avec Christophe Cossé, et donc Maître Brouza, je crois, qui s'occupe de, enfin, qui est très intéressé par ce sujet, qui veut soutenir tant que faire se peut, bien que Monsieur Fortillon soit pas encore son client. Il faut que Monsieur Fortillon soit en mesure d'accepter. Parce que quand on peut voir personne, parce qu'on est interné de force pendant 15 jours ou une durée même supérieure, on ne peut pas, on n'est pas en mesure d'accepter ou de décliner les services de qui que ce soit, ni d'un avocat, ni de personne. Parce que là, on a refusé l'accès à un docteur en médecine, qui est Christian Tatchaler, qui est un mec un petit peu particulier, un petit peu fantaisiste, mais c'est un docteur en médecine, et il a voulu voir son ami, et c'est pas possible. Et c'est possible pour personne. Donc, c'est absolument incroyable. Mais le fait que moi je note dans l'affaire qui concerne Fortillon, c'est que quand il a nommé l'Institut Pasteur en disant, parce qu'on le sait hein, sur l'origine de le laboratoire de Wuhan en Chine, c'est pas un laboratoire à 100% chinois à l'origine. C'est un laboratoire qui a été conçu avec l'aide du gouvernement français, plus particulièrement de Monsieur Lévy, l'époux de Madame Buzyn. Donc ça fait déjà deux juifs. Pardonnez-moi. Le professeur Montagnier s'est exprimé sur la question de ce virus. D'accord ? Bon, alors, je dis pas là aussi. Bon, c'est un prix Nobel quand même. D'accord ? C'est un prix Nobel. Qu'on réfléchisse à ça quand même trois secondes, je veux dire. Je dis pas qu'être un prix Nobel veut dire que vous aurez raison sur toute votre vie. Mais enfin, quand même, je pense que dans le domaine médical, un prix Nobel doit forcer un minimum le respect. Je crois pas être complètement fou quand je dis ça. Il nous dit « ce virus a été manipulé. C'est le fruit d'une manipulation en laboratoire. » Donc, potentiellement, et même très sûrement, dans ce laboratoire de Wuhan. Et peut-être que les Chinois ont été roulés dans la farine et ils ne veulent pas en parler. C'est pour ça qu'ils ne font pas trop de bruit sur tout ça. On apprend qu'il y a une manipulation. Et d'après Montagnier, et ensuite, le professeur Fortillon semble s'inscrire dans cette piste en disant, il dit probablement beaucoup d'autres choses aussi, mais il dit, voilà, oui, effectivement, ça a été manipulé. Il y a une intervention, c'est pas juste un virus naturel qui a surgi comme ça, c'est le résultat d'une manipulation. Et lui cite, il dit, voilà, il met en accusation, à tort ou à raison, mais il met en accusation l'Institut Pasteur, et il nomme Olivier Schwartz, qui a comme qualité première d'être un gros juif, d'être un crochu. Comment se fait-il que systématiquement, quand on s'intéresse à ce qui se passe au Covid en France, on tombe sur des crochus, sur des juifs? Comment se fait-il? Pourquoi Jérôme, pourquoi Jérôme Salomon, descendant de Dreyfus? Pourquoi Buzyn? Pourquoi Lévy? Pourquoi Schwartz? Pourquoi toujours les Juifs? Comment se fait-il? Et pourquoi, si on pose la question de pourquoi les Juifs, pourquoi on atterrit devant un tribunal sur ordre des Juifs? Il y a beaucoup trop de Juifs dans cette équation, à mon sens. Oui, j'ai un odorat sensible. Il y a trop de Juifs dans toute cette affaire. Oui, beaucoup trop de crochus dans tout ça. Alors, je pense que Fortillon, en fait, aurait pu dénoncer n'importe qui, n'importe quel Auvergnat, n'importe quel Alsacien, vous voyez. Mais à partir du moment où il a cité un crochu, les emmerdes ont vraiment commencé. C'est-à-dire qu'il a sauté sur une mine antipersonnelle qu'on appelle un juif, quoi. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, et je me l'explique comme ça, d'ailleurs. Et après, je ne m'étonne pas du tout qu'Axel Kahn, encore un autre crochu, veuille fêter Noël au mois de juin. Ouais, c'est tout, il y a une cohérence, quoi. Je veux dire, il n'y a que des youpins dans toute cette affaire. Il n'y a que des youtres. Il n'y a que des youtres. Il n'y a que des youtres. Un youtre après un youtre après un youtre après un youtre après un youtre après un youtre. C'est une collection de youtres. Vous voyez ? Et les Shabbat Goy pour exécuter les ordres. Nous n'avons que des youpins dans cette affaire. Donc. Bon, je veux dire, et alors le problème, c'est que personne ne réagit. Moi, c'est cette étape d'hypnose collective qui me dérange. Vous allez me dire, oui, mais il y a BFM TV qui somme tout le monde de fermer sa gueule. Oui, alors BFM TV, d'ailleurs, aux mains de Drahi, encore un youtre, hein, qui nous fait voir forcément la hyène, là, avec sa gueule carnassière, la sale juive, là, c'est là, je peux pas me l'encaisser, celle-là non plus. J'oublie son nom. Comment s'appelle-t-elle ? Rutelkrieff. Rutelkrieff. Elle apporte bien son nom, d'ailleurs. C'est le nom de son organisation. C'est marqué dessus. On ne peut pas faire mieux. Et notez bien, d'ailleurs, là, je fais une aparté, hein, que Dupont-Moretti, là, le gros, il nous explique quoi ? Qui va faire passer en comparution immédiate tous ceux qui font semblant de se plaindre en ligne. Et sur ce, donc il dit voilà, c'est mon idée, c'est pas son idée, puisque la LICRA, dans la foulée, revendique l'initiative en disant formidable, c'est un nouveau souffle pour la loi de 1881. Ah ouais, bon, traquer tout le monde pour les foutre en tôle parce qu'ils ne disent pas ce que les juifs attendent d'eux. La LICRA revendique le crime. Je veux dire, ces gens sont en action sur tous les fronts, les juifs à tous les étages. Alors. Oui, je souhaite aussi revenir sur un aspect, c'est-à-dire que j'ai pas dit tout à l'heure, mais Fortillon a été le préfacier d'Henri Joyeux, professeur assez connu pour sa cancérologie, ils sont amis. Et Joyeux avait mis en garde contre la systématisation des vaccins. Il avait pas mis en cause la vaccinologie en général, mais il avait dit qu'il y avait trop de vaccins ces derniers temps, que certains étaient inutiles et qu'ils pouvaient être certains pouvaient être dangereux. Notamment à cause de quelque chose qu'on a dit plusieurs fois, c'est l'aluminium et le mercure. Et, oui. Et il a fait appel justement à son ami Fortillon, qui en tant que toxicologue et pharmacologue a analysé les effets sur le corps et estimé qu'il y avait en moyenne 17 fois trop d'aluminium dans les vaccins par rapport à ce que peut supporter le corps, selon même les critères de l'OMS, des institutions officielles. Donc il a d'ailleurs imprimé un document, vous pouvez montrer à votre médecin si avant qu'il vous vaccine, on lui dit tiens, si vous... Vous insistez pour que je sois vacciné, c'est ça que vous signez, c'est-à-dire vous voulez qu'il y ait ça dans mon corps. Bref, mais disons que quand Joyeux avait estimé que ça allait trop loin dans la systématisation des vaccins, on lui est tombé dessus, il a été convoqué devant l'ordre des médecins. Dans un premier temps, il avait été radié, en tout cas menacé de radiation. Et il y avait Michel Simès, qui vient de la communauté que tu viens de citer, qui s'était plaint énormément, de façon très virulente, que le professeur Joyeux n'ait pas été radié de façon définitive. Et il avait exprimé toute sa haine à cet égard. Donc derrière le conflit Fourtillant, Institut Pasteur et Macron, puisqu'on pour revenir sur la théorie de Fourtillant, mais en tout cas, derrière ce conflit qui existe entre le parti de l'institution médicale française et Fortillon, il y a le conflit Michel Simès, ce médecin israélite médiatique, et avec Joyeux. Ce sale juif de Simès. Non mais, tu as raison de le citer, parce que dans le conflit face à Joyeux, il s'en était plaint très longuement. D'ailleurs, vous savez quoi ? Le Simès, le juif Simès, avait été invité par le juif Cohen sur le plateau là de C'est à vous. Je crois que c'est C'est à vous, cette émission-là. Où il a pu très longuement jouer de son violon polonais pour se plaindre du fait que Joyeux n'avait pas été lynché. Ouais. Donc, c'est toujours le même scénario. Il y a trop de juifs dans cette équation. Je le répète, je sais, je me répète. Mais qu'est-ce que vous voulez ? La réalité aussi se répète, vous voyez ? Les juifs se répètent aussi, trop souvent à mon goût. Donc il est temps quand même de mettre le... C'est une opération juive. Nous sommes sous le coup d'une opération juive. Pas uniquement, oui, pas uniquement. Je ne dis pas que c'est uniquement ça. Mais le facteur juif, dans tout ce que nous voyons, est absolument central, absolument central. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sans identifier le facteur juif. C'est évident. Oui, il y a aussi, bon, Bill Gates n'est pas juif, mais Bill Gates, Anthony Fauci, c'est d'après Fourtillant, donc Bill Gates, il y a une trentaine d'années, a demandé donc à des instituts de pharmaceutiques pour savoir s'ils pouvaient développer des virus ou les modifier, et en même temps travailler au remède. Et donc la thèse de Fourtillant, c'est que, bon, d'après les brevets de 2003 déposés par l'Institut Pasteur concernant le SARS-CoV-V1, un brevet qu'on peut retrouver, qui montre qu'il a étudié, traduit, etc., le brevet concernant le SARS-CoV-V2 déposé également par l'Institut Pasteur, curieusement, il y avait une connaissance particulière dans l'Institut Pasteur concernant ça, et probablement, donc, peut-être en tout cas, ce travail de bricolage en pharmacie, et en même temps, d'après Fourtillant, travaillait-il depuis longtemps déjà un vaccin, puisqu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais normalement il faut beaucoup plus de temps que 8 ou 9 mois pour faire un vaccin, il faut des années. Frédéric Tanguy de l'Institut Pasteur, justement, mis en cause par Fourtillant, dit lui-même dans Paris Match cette année qu'il fallait 8 ans pour des vaccins. Donc, et d'ailleurs, ce qu'avait dit Fourtillant, c'est le premier à avoir dit ça, le premier que j'ai entendu dire ça, sur l'adénome du chimpanzé qui servirait à des vaccins ARN. Aujourd'hui, Christian Perron, professeur Perron, en a confirmé ça. Ils utilisent l'adénome du chimpanzé et c'est ça qu'on va nous mettre dans le corps pour modifier notre ADN. Donc, c'est contesté. La modification de l'ADN est contestée parce que c'est une critique qui a été posée. Non, c'est pas vrai, etc. Bon, moi, je n'apporte pas de point de vue là-dessus, c'est pas mon domaine, donc je vais pas m'improviser généticien ou quoi, mais je veux dire, c'est contesté par toute une série de scientifiques qui disent que non, il est strictement impossible que l'ARN messager modifie l'ADN. Je laisse les gens chercher, fouiner, etc. Mais enfin, en tout cas, c'est très frontalement contesté et très publiquement contesté par toute une série de scientifiques. Je n'ai pas d'avis sur le sujet, je n'y connais rien. Oui, on verra. En tout cas, on a dit tout à l'heure, je pense à juste titre que ce vaccin est risqué, ou ce prétendu vaccin est risqué dans l'état actuel des choses. Voilà. Oui, non, ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méthodologie employée est absolument nouvelle, révolutionnaire, dixit, hein, c'est comme ça qu'il la qualifie, très peu testée, donc, en tout cas pour ce type de maladie. Et donc, là, on est en territoire inconnu, et la question qui se pose à tout à chacun, c'est est-ce que vous avez envie d'avancer sur un territoire inconnu pour faire plaisir à vos élites dirigeantes qui vous veulent tellement de bien? Je vous laisse le soin de répondre, vous êtes des adultes, majeurs et vaccinés. Ou pas encore, mais en voie de. Qui veut peut-être rajouter quelque chose là-dessus, sur cette terreur contre les opposants? Je pense que ça va généraliser par contre. Hein. Moi, concernant l'internement de ce professeur, il a été interné sur décision du préfet. Alors, je suis désolé d'être un peu tatillon là-dessus, mais autant être relativement précis. Un préfet ne peut interner que sur base de ta présentation devant un expert psychiatre interniste mandaté par la préfecture. Il serait extrêmement intéressant de connaître le nom de cet expert psychiatre interniste, en espérant qu'il ne s'appelle pas Goldstein. Je me mets un peu là-dessus. Fulbert. J'ai une petite chose aussi à ajouter. Cet internement en psychiatrie n'est pas le premier en France. Il y en a eu au moins un l'année passée, en 2019, au mois d'août. C'est un cas un peu particulier, dans le sens où ça n'a rien à voir avec la vaccination ou quoi, bien entendu, puisque ce n'était pas encore démarré. Et c'est le cas d'un ingénieur qui travaillait à la préfecture, enfin, du moins pour la préfecture de Nice, qui se retrouve interné parce qu'il est en conflit avec son supérieur, qui n'est pas précisé, et c'est le préfet des Alpes-Maritimes qui signe un arrêté, je crois, d'internement contre ce monsieur. Le type, c'est un ingénieur de 57 ans qui a été interné une semaine et que finalement on a fait sortir par une sorte de procédure de justice. Il a pris un avocat, ou sa femme du moins, et on l'a fait sortir. Mais lui aussi avait été interné pour s'être opposé à sa hiérarchie. C'est quand même important. Donc le régime que vous connaissez n'en est pas à son coup d'essai. Je voudrais peut-être rappeler aussi le cas d'un maire qui avait tenu des propos polémiques il y a quelques années et qui avait été aussi, au bout d'une semaine de polémique, interné dans des conditions un peu louches. On en avait parlé dans l'émission à l'époque. Je retrouve pas le nom du maire, mais oui, c'est pas nouveau. Hein. Quand vous dérangez, c'est une option. De même que Jean-Louis Cacomo, professeur d'économie à la faculté de Perpignan, qui avait dénoncé un trafic de diplômes en lien avec la Chine. Alors c'était plutôt en accusation des Chinois, justement, enfin en tout cas de la complicité évidemment du président de la fac et de la direction de la fac. Il avait été interné aussi, il avait raconté son calvaire sur TV Liberté, interrogé par Olivier Pichou. Combien de temps il avait été interné? C'est assez long. Hein. Plus d'une année, je crois, une année et demie, quelque chose comme ça. Puis c'était finalement quelqu'un qui était un docteur. Il avait été transféré à Montpellier à un moment donné, puis il était tombé sur un médecin qui lui a dit « Mais monsieur, j'ai compris qui vous étiez, j'ai vu votre CV, qu'est-ce que vous faites là, etc. » Puis, bon, alors, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Le président de l'université avait accusé à l'époque, il avait dit « Oui, ce monsieur fait une grave dépression, une lourde dépression, il faut absolument s'occuper de lui. » Puis c'est là que la police est allée le chercher, etc. Et lui dit, monsieur, on vous interne de force, etc. Est-ce qu'il y a eu une expertise qui a été faite avant ou après, ou une fois arrivé à l'hôpital psychiatrique? Bon, de toute façon, les dés sont pipés, c'est-à-dire que c'est des réseaux, des présidents de fac, des préfets, des maires qui obéissent à des instants, alors à leur supérieur encore. Et qui exécute ses basses œuvres, hein, et qui ces gens-là méritent pas, à mon avis, ne méritent pas le nom d'homme. Hein, ce sont des sous-hommes, hein, tout simplement. Malheureusement, nous sommes entourés de sous-hommes, hein, et c'est ce qui fait toute la force du système, hein, c'est de faire proliférer les sous-hommes et pour diminuer justement la valeur de chaque homme de qualité. C'est tout le problème. En tout cas, c'est bien. On a parlé de Monsieur Fourtillant, du professeur Fourtillant. J'espère que le mot va circuler. S'il vous plaît, faites connaître ce cas-là. Ça ne veut pas dire que toutes ces thèses sont nécessairement justes ou qu'elles doivent être suivies aveuglément. Ça veut dire que nous avons simplement un homme qualifié dans son domaine qui avance toute une série d'hypothèses, qui doit pouvoir le faire librement dans son domaine d'expertise, sans craindre d'être injustement interné pour des motifs fallacieux parce que le pouvoir se sent dérangé parce qu'il avance, surtout dans ce moment précis qui nous concerne, qui est celui d'une panique à caractère pandémique très surfaite. Je voulais citer ça d'ailleurs par rapport au cas de la Belgique, parce qu'on déploie les drones, etc. Et j'ai relevé que dans l'article, il était fait mention, en tout cas c'est ce que disaient les autorités, que la situation était particulièrement critique dans certaines régions, ce qui est totalement faux. J'ai regardé les chiffres officiels, qui sont consultables par tout le monde, des morts par Covid en Belgique en date du 12 novembre, on parle d'une centaine de morts, ce qui est absolument dérisoire, surtout qu'on compare avec la grippe. Et d'ailleurs, j'ai relevé que visiblement la grippe aurait disparu entre-temps, ça n'existe plus, du moins en France. Il n'y a plus de cas statistiques de grippe. Ah bon? Bon, ça mérite observation, je ne sais pas. C'est peut-être pas... Peut-être des mouvements statistiques un peu étonnants, mais bon, bref. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur tout ça? Oui, tiens, oui. Justement, au bout de ce que tu dis, les chiffres et les statistiques sont consultables en ligne sur le bon, ça doit être un ministère quelconque en Belgique, ministère des statistiques ou quoi, qui s'appelle belstat.be probablement. Vous allez là sur ce site. Belstat, B-E-L, stat, comme statistique. Et il vous suffit de simplement aller cliquer sur Covid. Il y a un endroit. Bon, et effectivement, ça confirme ce que tu dis. Voilà. Oui, non, oui. Excuse-moi, je voulais dire autre chose que je venais de perdre, et donc je reprends. À propos justement de ce documentaire Hold Up, il y en a un second qui est paru, qui est du même style, qui reprend à peu près les mêmes invités, les spécialistes, les médecins, etc. Et il va, à mon sens, plus loin que Hold Up. Parce que là, peux-tu donner le nom du documentaire ? Oui, je vais le donner, oui. Il va plus loin dans le sens où il y a plus d'agressivité, je dirais, dans les déclarations, dans les positions des intervenants. Et ce documentaire s'appelle « Maltraité », en deux mots, au pluriel. En tout cas, « traité » est au pluriel, pas « mal ». Oui, « maltraité », c'est un jeu de mots. Hein. « Maltraité »,« mal » traité au sens médical, d'accord. Et parce que il y a eu des critiques par rapport à ce documentaire en disant voilà, mais il valide l'hypothèse d'un danger réel par rapport au Covid en disant voilà, il y a que ils pensent, enfin qu'ils affirment dans le truc que c'est vraiment dangereux, etc. Et que on a laissé les gens exposés à cette dangereuse maladie, alors que au contraire les critiques souvent disent que non, le Covid, c'est très très surfait, etc. Bon, je veux pas rentrer dans la polémique là-dessus maintenant, mais disons que il y avait des gens qui disaient, voilà, par rapport à Hold Up, qui remettaient totalement en question le truc, les mecs commençaient le documentaire en validant le point de départ dans la discussion, en disant, voilà, ouais, non, il y a vraiment un danger, etc. Puis ensuite, ils rentrent dans le... Mais, Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis là-dessus, hein, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être que tu as un avis, peut-être que tu n'en as pas, je ne sais pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce documentaire ? Tu dis qu'ils sont plus agressifs, qu'ils ont. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont relevé qui t'a paru plus pertinent ? D'abord, j'ai dit, ça me semble à moi nettement plus agressif d'une part. Et d'autre part, il y pointe, surtout dans la dernière demi-heure ou dans la dernière heure, parce que c'est un documentaire qui fait quand même plus de 2 heures, il pointe aussi des remèdes qui étaient connus par les anciens, qui sont connus, donc je dirais de tout temps, qui sont réputés. Ils vous disent, par exemple, que pour... contrer la possibilité d'être contaminé par le Covid, il y a 3 éléments importants qui sont respectivement la vitamine C, et ça, tout le monde connaît ça, hein, protection contre les maladies. Donc la vitamine C, la vitamine D et le zinc en tant qu'élément. D'accord. Oui, j'ai regardé aussi en partie. Oui, alors... il y a des éléments qui sont intéressants, mais... Oui, je préfère Hold Up personnellement, mais Hold Up ne fait que parler de la chloroquine, l'azithromycine, ne parle pas d'autres. Donc là, ça méritait un complément. Je veux dire aussi sur Fortier, une dernière chose, c'est que si jamais ces patchs, si jamais il gagne son procès contre l'État français et qu'il parvient à diffuser les patchs et à obtenir les brevets pour ça, il y aurait des contrats dans beaucoup de pays, hein, puisque donc ça concerne Alzheimer et Parkinson, pour connaître des gens qui sont atteints de cette maladie. Il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle, en tout cas en France, qui soit efficace. Hein. Les malades se dégradent très vite. Donc si jamais Fortillon a raison et gagne son procès et arrive à vendre ses patchs, il va devenir millionnaire, voire milliardaire. Et donc là, il aurait une force d'indépendance considérable. Et c'est pour ça que je crains que peut-être le gouvernement cherche à le liquider tout simplement physiquement. Ouais. Oui. En tout cas, mobilisez-vous autour de lui. Hein. Faut pas laisser cet homme-là, parce qu'on est tous concernés. Parce que franchement, comprenez ça. Hein. Il suffit de regarder ce qu'ils font. Pourquoi j'ai parlé du pont Moretti et de ses mesures, et pourquoi la LICRA, etc. Le racisme, le complotisme, le fait de critiquer la version officielle sur le Covid, c'est une seule et même chose pour le système. Contester ce qu'ils disent. Ils s'en foutent de savoir quel est votre point de départ. Ils n'en ont rien à foutre. Vous n'avez pas à contester. Point barre. Ça, c'est l'axiome. L'axiome, c'est ça. Donc, ne vous estimez pas, enfin, ne partez pas du principe que parce que vous n'êtes pas versé dans l'histoire des vaccins, que Fourtignon, vous ne connaissez pas, que ça ne vous concerne pas. Mais ça vous concerne. La police politique viendra après vous comme elle est venue après lui. C'est la même chose. La même chose. Voilà, le prétexte est différent, mais c'est la même chose. Écoutez, messieurs, je trouve qu'on a eu une discussion très, très, très enrichissante sur tout ça. Quelqu'un veut-il peut-être préciser un point, soulever une question avant qu'on se sépare? D'accord. Eh bien, à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.